Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans l'Estaminaire, le podcast qui parle de techno, de société et de culture pop. Oui, oui, notre établissement est ouvert jour et nuit, partout où on sait lire un podcast, partout où on peut écouter du son depuis un flux RSS. Je m'appelle Matt et comme d'hab, nos convives du jour sont Monsieur V pour Valentin. Bonjour la France, bonjour Paris. Valentin, qu'est-ce que je te sers ? De la bière. Valentin, ton film Ocus est enfin en ligne sur ocus.fr. Ouais. Et on va en reparler dans quelques instants avec l'homme de l'ombre, avec ton technicien, Mister Yanda. Salut Yanda. Salut Matt, salut les confinés. Qu'est-ce que je te sers, mon petit Yanda ? Écoute, remets-moi la même que la dernière fois, là, cette petite IPA au parfum de fruits exotiques, Ipanapi, qu'elle s'appelle. Et elle est, ma foi, fort attrayante et elle est goulayante. Donc, le mec, je veux bien ça. Un carton. Un carton Nickel. Complet. Parfait. Du coup, Mister Yanda, toi aussi, tu es la partie technique en fait de cette mise en ligne de la série de Valentin Ocus, puisque tu t'es occupé de la création de Ocus.fr. Enfin, moi j'ai fait un devis juste. Hein. Après, j'ai pas. Pour le reste, il s'est démerdé. Ouais, on a entendu ricaner Chris 2 qui a un rôle très important dans cette histoire. Salut Chris 2. Salut Matt, comment ça va? Tu m'as l'air très enjoué ce soir. Ouais, mais je suis ivre mort en fait. Ah c'est. Et... En fait, en bon tavernier. Toi, tu as un rôle important dans Ocus parce que tu n'as pas aimé la série, évidemment. Non, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Pour qui tu me fais passer, hein ? Qu'est-ce que je te sers, mon petit Chris ? Bah écoute, moi, je vais prendre un petit verre du sang de mes ennemis parce que avant l'hiver, ça ravigote, ça redonne des forces. Donc, si t'as éventuellement ça. Les boissons chaudes en hiver, c'est le must. En plus, les Vikings sont à la mode avec la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, voilà, qui m'occupe jour et nuit, et aussi jour et aussi nuit. Mais on va pas parler de ça, puisqu'on va parler de cinéma, puisque je me suis fait un petit kiff. Il y avait un film que j'avais trouvé il y a quelques années. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des promos sur des sites comme Cdiscount, où tu pouvais choper tout un tas de DVD venus de Belgique, voilà, qui avait une piste française. Et donc, il y avait un film que j'avais vu à l'époque qui s'appelait Dark City, et qui m'avait laissé plutôt un bon sentiment, tu vois, et je me suis dit, putain, je vais me faire un petit kiff, je vais remater ce film, et en fait, en discutant avec les gars, je dis, ouais, bah, j'ai rematé un petit nanar qui s'appelle Dark City, et je me suis rendu compte que tout le monde a vu ce film, oui, et tout le monde kiffe ce film, et tout le monde veut parler de ce film. Mais oui, parce que c'est trop bien. Alors Valentin, vous qui êtes notre spécialiste cinéma, Dark City, c'est qui, c'est quoi ? Alors, Dark City, c'est un film donc de 1998, donc avant le plus grand film de tous les temps qui s'appelle Matrix, et effectivement, pendant la Coupe du Monde qu'on a gagné, qu'on a ramené à la maison. L'étoile sur le maillot. Eh bien, bien sûr, quelle heure. Ah là là, on y était, les gars, on y était. Nous, on a vécu en vrai, hein. C'est comme le 11 septembre, pour nous, c'est pas dans les livres d'histoire. Hein. exactement. Et donc. C'est un film donc de 98 d'Alex Proyas, le réalisateur de The Crow notamment. Et aussi de Gods of Egypt, donc comme quoi ça mène à tout. Voilà. Et bah tu sais que Gods of Egypt, justement, je voulais le voir en sachant que c'était le réalisateur de Dark City. Je ne l'ai pas vu et je sais qu'il s'est fait descendre par un peu tout le monde. Donc il faudra que je le mate quand même parce que je suis curieux. Alors le fossoyeur de film, je me permets de te couper. Vas-y. Il a l'habitude. Le fossoyeur de film a fait une excellente vidéo il n'y a pas très longtemps sur quel est le dernier nanar, le dernier vrai nanar. Et il parle notamment de Gods of Egypt et du travail de Proyas. Voilà. Et c'est une vidéo qui est assez intéressante, donc je vous conseille d'aller la voir si vous en avez l'occasion. Voilà. Et oui, il a pas réalisé grand-chose, mais il a aussi réalisé, vous le connaissez sans doute, ce film iRobot avec Will Smith, qui date de 2004, qui est donc une adaptation d'un bouquin de Philip K. Dick. Et on retrouve pas mal de donc Philip K. Dick est un auteur de SF et on retrouve pas mal de comment dire d'influence de Philip K. Dick également dans Dark City qui est un film de SF également. Alors je vais pas me faire chier, je pourrais essayer d'improviser un pitch, mais tu veux dire la brioche de poche, la brioche de poche absolument. mais je vais aller voir sur Wikipédia qui ne me propose qu'un long résumé, donc je vais improviser un pitch. Du coup il s'agit c'était l'instant résumé. Ta-da, ta-da. Comment donc John Murdoch se réveille dans sa baignoire tout nu et il ne sait pas qui il est, il ne sait même pas son prénom ni son nom de famille, donc c'est John Murdoch, hein, voilà, comme spoiler. Je viens de dire, spoiler, et il se retrouve donc dans cette ville sombre, cette Dark City, à la recherche de son identité, et il va vite se rendre compte que des hommes étranges sont à sa poursuite et qu'il est accusé d'un meurtre. Et il ne sait pas s'il l'a commis ou non. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et il est plus qu'accusé d'un meurtre, il se réveille à côté d'une meuf nue, lacérée de traces de couteau. Voilà, et comme il est dans la même pièce et que bon, enfin voilà, les enquêteurs se disent tiens, c'est peut-être lui qui l'a buté, et comme lui il peut pas dire non parce qu'il se souvient de rien. Bref, même lui est complètement perdu. On peut aller plus loin, on va aller plus loin ou pas, Matt? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des spoilers? Après c'est toujours pareil, moi je suis un anti-spoiler convaincu. Après, moi si tu as besoin de faire un minimum de révélations pour... on n'est pas obligé de dire qui sont ces êtres qui lui courent après. Alors on peut le dire parce que c'est dit dès la... En fait il y a une voix off en intro. Alors, qui attention. Explique tout. Ouais voilà, alors juste... Ouais, juste deux secondes, il y a une voix off en intro qui dit, qui explique un peu le contexte, et il se trouve que pour avoir vu le début des commentaires audio du film, le réalisateur lui-même disait que cette voix off n'était pas là à la base, qu'elle a été rajoutée pour contextualiser l'histoire, et que c'était pas prévu, et voilà. Vas-y, et alors dans la version que j'ai vue en DVD, tu peux avoir la version du réalisateur et la version du studio. Et la principale différence, c'est la présence de cette voix off qui n'est pas du tout présente dans la version du réalisateur. Comme pour Blade Runner, en fait, il y avait le même cas pour Blade Runner. Et du coup, tu n'as pas le contexte et tu découvres le contexte de l'histoire plus tard dans le film, si tu vois la version du réalisateur, ou alors tu te prends le contexte directement dans la tronche, si tu vois la version du studio, et ça change vraiment la perspective que tu peux avoir de ce film. Ouais, complètement, parce que, en fait, au début, on est. Donc, comme je disais, c'était un film de SF, donc il y a des éléments surnaturels, enfin, entre guillemets, qui arrivent dans le film, mais qui donc sont exposés dès le début du film avec cette voix off, mais quand tu ne l'as pas. Quand tu n'as pas cette voix off, à la base, c'est juste un mec qui se réveille dans sa salle de bain, qui sait pas qui il est, à côté d'une meuf qui est lacérée de coups de couteau et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus intriguant et beaucoup plus mystérieux que si tu as le contexte dès le début. Voilà, absolument. D'autant que très vite, le mec est à la recherche de lui-même parce qu'il sait pas qui il est en fait. Il sait qu'il s'appelle Murdoch parce que sur le registre de la chambre d'hôtel, il a signé Jim Murdoch, mais donc il sait pas son prénom. Il y a toute une scène où devant une vitrine, il s'entraîne à voir quel prénom sonne le mieux. Est-ce que je m'appelle Jack Murdoch? Est-ce que je m'appelle John Murdoch? Ça, c'est assez marrant. Et en fait, rapidement, on lui explique qu'il a oublié son portefeuille dans un restaurant. Il va chercher son portefeuille et il ne peut le récupérer que parce qu'il a une sorte de pouvoir surnaturel qui se manifeste. No spoil. du coup, tu comprends que t'es dans un contexte un peu chelou, quoi. À la fois, il est à la recherche de lui-même, mais c'est pas un type lambda, quoi. Ouais, tu dis no spoil parce qu'effectivement, ça arrive très très vite au début du film, dans le premier quart d'heure. Moi, c'est ça qui m'a choqué, entre guillemets. Je l'ai revu donc il y a 3-4 jours. Je le remets assez régulièrement, mais j'avais jamais percuté à quel point c'est, en tout cas dans la version que j'ai vue, donc qui est la version des producteurs, c'est hyper cuté, il y a de la musique tout le temps, et c'est vraiment monté limite comme une bande-annonce, en fait, ça, tout s'enchaîne très très vite, on prend pas trop le temps de se poser, et les plans durent rarement plus de 2 secondes, quoi, enfin plus de 3-4 secondes, donc c'est assez, ce montage assez, enfin vraiment dynamique m'a beaucoup surpris. Mais bon, ça fait le taf, hein. On s'en rend pas forcément compte. Du coup, si vous avez en tête cette version, on va parler du film après de façon un peu moins cryptique, hein, pour que les gens qui nous écoutent puissent retomber un peu sur leurs pattes. Mais si t'as en tête le film, cette séquence avec une voix off qui t'explique le contexte se fait sur des images d'illustration de ville. Qui sont à minuit pile et donc qui sont dans une situation particulière. Et bah, ces images, dans la version du réalisateur, sont intégrées au milieu de l'histoire. Et donc donne un plan extrêmement long qui va illustrer la problématique de cette ville. Et donc il y a une vraie différence de rythmique dans le montage avec un film qui effectivement est super cuté dans la version des producteurs et un film qui parfois se permet de faire des scènes très en longueur, d'autant que les effets spéciaux sont un peu cheapo, c'est les premiers effets spéciaux numériques, c'est la fin des années 90. T'as des effets spéciaux avec des plans de ville, avec un métro par exemple, mais tu vois que c'est une maquette et qu'il y a des mecs collés contre des bords avec des lumières à l'intérieur pour faire. Et du coup, t'as quand même des plans au ralenti sur ce métro cheapos. Donc il y a une esthétique un peu bas de gamme. Et dans la version du réalisateur, cette esthétique ne pose pas de problème. Il accepte de prendre du temps et de faire des plans en longueur sur ces trucs un peu cheapos pour illustrer le propos. En fait, le propos passe avant l'esthétique du film. Et c'est hyper intéressant de voir les deux versions parce que la philosophie avec laquelle tu abordes un film de cinéma est complètement différente entre la version du réalisateur et la version des producteurs. J'aimerais beaucoup voir, tu m'as vraiment intrigué avec ça. Je connais que la version des producteurs en DVD et un vieux DVD, donc je t'avoue que la qualité était un peu basse, et du coup ça atténuait aussi les effets spéciaux. On les voit moins qu'en Blu-ray, les effets spéciaux ratés, on va dire, vu qu'il y a toujours un grain dégueulasse. Et du coup, mais oui, volontiers, je te fais une attestation et puis c'est bon, tranquille. On fait 100 km chacun et puis on se retrouve au milieu, tu vois. Voilà, exactement. Sinon, cette version des producteurs, donc la version DVD, elle est dispo sur Amazon Prime. Voilà, pour ceux qui ont un abonnement Prime, elle est dispo en bonne qualité pour le coup. Moi, c'est ouais, là que je l'ai revu. Du coup, la qualité doit être meilleure, ouais. Ouais, c'est là que je l'ai revu parce que j'avais pas vu ce film, par contre, depuis très, très, très longtemps. Je pense depuis le début des années 2000, peu de temps après sa sortie, je crois. Et ouais, l'univers est assez marquant parce qu'on n'est pas sur. C'est un univers qui est assez peu courant en fait dans la représentation de la SF au cinéma. On est dans la SF, mais on est aussi un peu dans le film noir. On est dans le fantastique, truc, ouais, dans le film noir aussi. Ça on mélange est dans un mix genre. Un peu à mi-chemin entre cyberpunk et dieselpunk. Tu vois, c'est un truc un peu hybride comme ça. C'est quoi pas le vraiment... dieselpunk? C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Dieselpunk, en gros, c'est tu prends la Seconde Guerre mondiale, mais à la place des chars d'assaut, tu mets des robots qui marchent à l'essence, tu vois, en gros. Tu vois le délire? Ok, très bien. Voilà, on est un peu dans ce... Ouais, c'est du steampunk, mais après, quoi. C'est du steampunk au XXe siècle, quoi. Voilà, c'est ça. Le steampunk, c'est du charbon, le dieselpunk, c'est de l'essence, et le cyberpunk, c'est des implants dans la tête, quoi. Voilà, pour résumer. Et du coup, on est un peu dans cette imagerie-là, on n'est pas dans de la SF avec des robots et des machines hyper... Enfin, il y a de la machinerie, mais justement, ça semble plus mécanique que high-tech, on va dire. Et du coup, on peut pas dater, tu vois, tu peux pas te dire, même dans des univers de SF ou de fantasy, tu peux dire, ça a l'air de se passer au 16e siècle, ça a l'air de se passer au 30e siècle, j'en sais rien. Là, tu peux pas vraiment dater, tu peux dire, ça se passe à telle ou telle période, quoi. Parce que, notamment, c'est légitimé dans l'histoire aussi, ils expliquent, ils expliquent pourquoi, voilà, ouais. Non, mais bien sûr. Pour le coup, ça donne vraiment un film sous influence, parce que si tu joues un peu le cinéphile, alors moi je suis plutôt genre cinéphile bas de gamme, c'est-à-dire que je voulais voir les grosses références et les grosses ficelles, mais en fait le truc est blindé de références et d'influences. C'est-à-dire que tu vas avoir graphiquement des personnages qui vont ressembler un peu au personnage de Nosferatu, du vieux film de vampire. Tu vas avoir une tonne de références qui sont faites au film Metropolis. Dans la construction, tu vas avoir plein de trucs qui vont te rappeler des choses comme les séries un peu horrifiques, fantastiques, genre les contes de la crypte ou un peu ces trucs d'horreur. Il y a un côté comme ça, très agglomérat de pop culture, qui fait que il y a plein de petites choses tout le temps qui font que à la fois t'es perdu dans cette Dark City qui est très étrange, mais t'es dans ta zone de confort. Il y a plein de choses qui te rappellent des choses que t'as déjà vécues, quoi. Absolument. Il y a ouais c'est ça. Voilà. Merde, je voulais enchaîner, tu vois. Je voulais enchaîner, faire un truc stylé. Avec un truc intelligent, un truc de cinéphile. Ouais. Non, en fait, je voulais. Non, mais parce que ça n'a plus de sens maintenant, mais je vais quand même le placer. Il faut absolument que je place le terme expressionnisme allemand. Donc voilà, c'est fait. Mais effectivement, Metropolis, c'est un film qui tient de cette mouvance-là, l'expressionnisme allemand, qui donc joue énormément sur. Sur la démesure au niveau des décors, au niveau des ombres, au niveau des, comment dire, de la géométrie de l'espace et tout ça. Et donc c'est un des héritiers de cette époque-là, qui date du début du 20e siècle au cinéma, dont Metropolis fait partie. Et Dark City est clairement dans cette mouvance-là et s'en inspire vraiment, et c'est pour ça qu'il est, c'est une des raisons pour lesquelles il marche aussi bien, je trouve. Et tu parlais des effets spéciaux. Après, effectivement, faudrait que je le voie dans une meilleure qualité parce que moi, ça m'a pas trop choqué. Je vois un peu la synthèse et tout ça, mais globalement, je trouvais que ça restait correct et surtout qu'ils arrivaient super bien à mêler des effets spéciaux numériques et des effets pratiques, donc avec des maquettes et avec des du matte painting et tout ça, donc des espèces de décors qu'on viendrait placer devant la caméra, pour remplacer le fond vert en fait. C'est vraiment un film qui a la charnière entre deux technologies. Exactement, et qui pour le coup, je trouve, fait un bon mix entre les deux. Pas mal, ouais. Comme à un niveau en dessous, mais comme Jurassic Park l'avait fait, en mêlant dinosaures de synthèse et maquettes. Dark City a un cran en dessous. Parce que c'est pas des vrais dinosaures dans Jurassic Park. Non, ils avaient pas. Putain, je suis déçu. Ils ont pas trouvé d'ADN de grenouille en fait, donc ils ont pas pu le faire. Exactement. Mais ouais, et je suis d'autant plus intrigué du coup que je vois sur la page Wikipédia de Dark City qu'il y a 6 minutes en plus dans la version Director's Cut. Donc je suis très curieux de savoir ce que c'est, si effectivement c'est juste des plans rallongés ou s'il y a bien une scène ou deux supplémentaires. Je suis vraiment curieux, faudrait vraiment que je la voie cette version longue. En fait, j'ai fait une bêtise, j'ai vu la version des producteurs il y a 15 ans, j'ai vu la version Director's Cut ensuite ce week-end, et le lendemain j'ai vu la version des producteurs. J'aurais dû refaire l'inverse en fait, j'aurais dû d'abord revoir la version des producteurs et ensuite voir la Director's Cut en fait. Mais ce qui m'a fasciné avec ce film, c'est que j'en avais gardé moi l'image d'un truc un peu nanar, et c'est parce que c'est dans sa gestion de l'intrigue en fait. Et quand je vous en ai parlé, vous avez tous surréagi en mode mais ce film est fantastique. Mais oui. Ah ouais, c'est pas, moi je pense pas que ça soit un nanar. Hein. Et tu parlais de films un peu charnières, ça sort, on peut dire presque juste avant Matrix. Et Matrix, c'est quand même un peu le coup d'envoi. Enfin, moi, je le vois quand même comme le gros truc qui fait qu'à partir de 2000, le cinéma change quand même beaucoup dans son approche déjà des effets spéciaux. Et on se fait genre le bullet time. À partir du moment où Matrix sort, dans tous les films de 2000 à 2010, il y a du bullet time. Tu vois, ouais, genre les scènes ralenties avec les balles qui fendent l'air et les mecs qui commencent à faire des pirouettes avec les jambes par-dessus. Il y a beaucoup de kung-fu aussi, ouais, voilà, de combat. Ouais, Matrix, ouais. Ça va influencer le cinéma pendant 10 ans et ça influence encore indirectement des tas de films. Et là, on est juste avant, mais en fait, c'est vrai que je m'en souvenais pas parce que, en plus, je pense que je l'ai vu. Enfin, j'ai dû les voir à peu près en même temps, en fait. J'ai pas vu les films à la sortie aussi. À l'époque, ni rien. Matrix, en même temps, Matrix. Il y avait deux écrans. Non, enfin, à la même période. Et Matrix, j'avais pas été le voir au ciné non plus, le premier, je crois. Et donc, à l'époque, ça m'avait pas spécialement marqué, tu vois. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments dans Dark City qui peuvent se retrouver sûrement complètement par hasard dans Matrix, parce que généralement les films sont influencés par un contexte social, des influences culturelles aussi qui vont plus ou moins popper au même moment, voilà, donc c'est à mon avis c'est un hasard total. Mais dans Dark City, t'as toute une problématique de rapport un peu au réel, de rapport à l'identité, de rapport à comment tu te comportes dans une société qui est codifiée, etc. Ce que tu retrouves aussi dans Matrix, hein, même si c'est sur un plan cette fois-ci beaucoup plus technologique et tout. Et j'ai trouvé ça m'a marqué là en le revoyant. En fait, quand je l'ai vu à l'époque, ça m'avait pas spécialement. J'avais trouvé l'esthétique super cool, mais j'avais pas vraiment fait attention à l'histoire et au message. Et là, je trouve que c'est vraiment appuyé et c'est flagrant. Quoi. Mais t'as l'idée. Ouais, c'est ça, t'as aussi l'idée de complot, de société secrète et tout ça, et c'est marrant parce que du coup quand tu vois iRobot aussi, donc du même réalisateur, il y a toutes ces problématiques là aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est humain ou vivant, ou qu'est-ce qui fait qu'on existe en fait. Et que t'as aussi dans The Crow, hein, directement, parce qu'il revient entre les mains. Voilà, c'est la question que j'allais te poser du coup, parce qu'effectivement, j'ai pas vu The Crow, mais... Ah, The Crow, bah, tu vas kiffer, The Crow, c'est excellent. Je pense, ouais, c'est un des films qu'il faudrait que je mate. Mais voilà, donc il y a toutes ces problématiques-là chez Alex Proyas, et aussi, comme tu dis, dans la décennie 90, puisqu'effectivement, les films ne peuvent pas s'être copiés, puisqu'ils sont sortis à un an d'intervalle, et on sait que Matrix a mis 4 ans à être écrit, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi à cette époque que sortent les Invisibles, The Invisibles de Grant Morrison en comics, par exemple, qui traite un peu de ça aussi, et dont Matrix se serait inspiré. Donc c'est Dark City baigne dans les problématiques du moment en fait, des années 90 quoi, et il est assez représentatif de cette décennie, je trouve, en tout cas au niveau de la SF et des questionnements philosophiques déco, je ne sais pas quoi de l'époque. Et le questionnement philosophique de tout ça, c'est est-ce que le réel est réel en fait ? Bah ouais, et puis qu'est-ce qui fait, enfin, dans Dark City, c'est surtout qu'est-ce qui fait qu'on est humain en fait ? Qu'est-ce qui, mais du coup, bon, ça, ce serait aller dans le détail, donc on va éviter de spoiler. Mais voilà, du coup, je ne vais pas parler davantage. Évitons de spoiler, oui. Sans aller dans le réel, à la limite, Matrix, il y a vraiment l'aspect réel, puisqu'il y a le monde Matrix, on peut presque, enfin, je pense qu'on peut un peu plus spoiler Matrix, tout le monde a vu Matrix ou presque. Il y a vraiment ce côté monde fictif fabriqué par une machine, etc., implanté dans la tête des gens, en fait. Dark City, c'est plus. Comment tu vas, sans spoiler, en fait, comment t'appréhendes le monde qui t'entoure, et est-ce que t'as vraiment des certitudes, enfin la certitude que le monde dans lequel tu vis est vraiment comme ça, tu vois, puisque le réel, enfin il y a pas vraiment de notion de réel, mais il y a la notion de vas-y démerde-toi, y a la notion de pédale, vas-y. Est-ce que la rue dans laquelle tu vis existe pour de vrai, voilà. Après, moi, il y a un truc qui m'a bluffé quand je l'ai revu du coup avant-hier pour préparer cette émission, parce que quel professionnel, un podcast de professionnels. Ah là là, mais quel professionnel. Nous sommes vraiment des professionnels, parce que un peu comme Chris, je pense que je l'ai vu au début des années, je l'ai vu après Matrix, donc j'ai dû le voir au début des années 2000, et j'en avais gardé un super bon souvenir, et là je l'ai donc revu, et alors je comprends ce qu'a voulu dire Matt en disant que c'était un peu un nanar, parce qu'effectivement, t'as des ficelles scénaristiques et des trucs qui sont aujourd'hui encore plus un peu datés. T'as des clichés, mon aspect sur le nanar ensuite, si vous voulez. Mais t'as beaucoup de clichés au niveau des, notamment des antagonistes qui sont mortels. Moi, je les trouve trop trop bien, mais effectivement, c'est très cliché. Quoi. Les antagonistes, ils ont un nom de Monsieur Bonhomme. Enfin, c'est un truc de ouf. Il y a Monsieur Livre, Monsieur Main, Monsieur Horloge. Monsieur, c'est trop bien. Ouf, quoi. C'est trop trop bien, mais effectivement, ça fait y a un petit côté nanardesque. Ouais. Mais par contre, finissent leur phrase par oui, n'est-ce pas? Oui. Ouais. John, on va laisser parler Yanda. Oui. Mais par contre, alors quelque chose que j'avais pas du tout percuté à l'époque, mais qui aujourd'hui, avec le bagage, et je mets de gros guillemets techniques que j'ai en vidéo, m'ont permis de voir, je trouve que en termes de composition et de plan, ce film, c'est académique, parce que tu reprends tout ce qui, pour moi en tout cas, fait partie des gros classiques de composition, la règle des tiers, le chant contre chant sur les dialogues, enfin bref, c'est du très basique, mais c'est hyper bien, et il y a des plans en termes de composition pure et dure, où en le revoyant du coup avant-hier, je me disais, putain, mais ouais, mais c'est trop bien, quoi. Et ça marche. Et ça marche vachement bien. Ça contribue à cet univers, effectivement, un peu polar, que moi, en plus, j'aime beaucoup. Et donc, effectivement, cette SF un peu polar, ça fonctionne très bien. Mais voilà, vraiment, ce film, pour moi, il montre que, alors oui, il a un peu vieilli dans les effets spéciaux, etc., etc., mais dans la composition des plans, t'as pas besoin d'aller faire des trucs de ouf. Enfin, voilà, le basique, l'académique, quand c'est bien fait, et utilisé à bon escient, ben ça marche très très bien, quoi. Et Dark City en est l'exemple parfait pour moi. Ça amplifie carrément aussi l'impression d'être enfermé dans la ville, en fait. Je trouve ça joue beaucoup parce que les personnages sont souvent filmés en plan assez serré, alors que dès qu'on te montre des décors, ça devient des trucs hyper massifs qui bougent et qui sont vus tout souvent en vue plongeante et tout. Et du coup, ça amplifie l'aspect, enfin l'idée que t'es enfermé un peu dans la ville, quoi, tu vois. Mais il y a un effet que j'adore, du coup, quand John Murdock essaie de se remémorer. Mais oui, voilà, exactement. Il y a un effet au niveau du son qui est mortel, où c'est une musique jouée à l'envers et tout. Et c'est des plans qui sont assez courts parce que il essaie de se souvenir, il n'y arrive pas. Et donc, c'est des images très, très, très fugaces qui passent avec un petit effet de flou autour. Et je trouve que moi, la première fois que j'avais vu ce film, quand j'ai vu cet effet-là, quand il essaie de se remémorer, j'ai fait « Oh putain, ça va être trop bien !» Parce que c'est tout bête, mais ça, c'est ça, comme dit Yanda, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais qui marchent et qui sont super, super efficaces, qui sont amenés également par le montage et le sound design qui est vraiment sympa. Et donc, il y a tout ce truc-là autour de ces souvenirs et tout ça qui est mortel. Et qui est super bien utilisé en plus parce que voilà sans spoiler, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui amènent à un truc où encore plus, tu te dis ah putain mais ouais c'est trop bien joué quoi. Exactement. Vraiment avec il y a aussi d'ailleurs, on l'a pas dit mais il y a Kiefer Sutherland, donc Jack Bauer de 24 qui est Dr. Schreiber. Voilà qui a une espèce de cicatrice, enfin qui a un œil un peu bizarre, un œil droit un peu bizarre, et un monocle. Une diction de ouf. Une diction de ouf et une allure un peu bancale, enfin c'est vraiment mortel et il cabotine un peu et c'est ça aussi qui fait l'aspect nanar aussi, c'est que il cabotine beaucoup, c'est cliché encore une fois mais je trouve que ça marche du tonnerre et que c'est super drôle en plus, enfin c'est vraiment bien. Tous les personnages. Avant de vous expliquer mon rapport au côté nanar de ce film, on va revenir sur son rapport à la réalité, ce qui fait qu'on voit que ça se passe dans une réalité un peu particulière, c'est qu'il y a une meuf qui ressemble à Jennifer Connelly, qui s'appelle Jennifer Connelly, mais qui n'est pas Jennifer Connelly. C'est-à-dire que si tu mets une photo de cette jeune femme à côté d'une photo de l'actrice qu'on connaît sous ce nom-là aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas une pièce identique. Effectivement. Elle a vieilli comme les stars hollywoodiennes peuvent vieillir. Voilà, elles ont dans un magasin de tuning, donc. Dans un magasin de tuning, absolument. Qui n'est pas trop mal fait, d'ailleurs. La pente est glissante, là, d'un coup. Bah, ce qui est chaud, c'est le jour de leur mort, dans quel bac tu les mets, quoi. Est-ce que c'est le vert, le jaune, le bleu, tu sais jamais, tu vois. Moi, les bouteilles en plastique, je sais jamais dans quel bac les mettre. Quoi. C'est surtout si elle se fait incinérer, t'imagines la mélasse à la fin, quoi. Ça doit être dégueulasse. Non, ça, à mon avis, c'est interdit. Parce que déjà t'as pas le droit de faire de barbecue comme tu veux chez toi, donc là à mon avis c'est chaud. Pour moi le côté nanar de Dark City vient de sa fin. Alors comment on va réussir à parler de la fin de Dark City sans rien spoiler? Alors en fait il y a deux, à la fin il y a vraiment deux directions possibles. Soit le personnage va vers le noir, soit le personnage va vers le blanc. En gros, est-ce qu'il perd ou est-ce qu'il gagne? Tu parles pour les deux films ou c'est les possibilités qui arrivent à un point du film, qu'importe les versions? Tu sais que c'est le même film, les deux. Oui, mais je sais pas, peut-être que la Director's Cut... J'ai espéré que la Director's Cut prenne une autre direction, mais en fait, non. D'accord, ok. Du coup, la fin qui nous est proposée dans ce film fait que... Bon, bah, c'est une fin un peu convenue de film de SF bas de gamme. Si la fin était dans l'autre sens, y aurait un côté hyper philosophique sur le rapport qu'on peut avoir à notre propre perception de la réalité. Et je me dis que ce film, c'est un acte manqué et que de la même façon que Matrix, en fait, joue sur un truc beaucoup, de ouf, ouais. c'est en fait, ta perception de la réalité dans Matrix, c'est juste un signal électrique qui est analysé par ton cerveau. On a du bol, ce signal électrique est produit par nos organes sens, les yeux, les oreilles, le nez, tout ça. Si ce signal électrique était produit par une machine, est-ce que tu verrais la différence? Et c'est ça, en fait, le propos de Matrix. Là, t'es pas sûr que ça se trouve, il est pas produit par une machine actuellement dans ta tête? C'est que le son que vous entendez est produit par un signal électrique qui passe par un micro, qui est transformé sur un logiciel de production, qui est transmis par Internet. Tout ça, c'est que l'électricité. Skynet. Mais bref. Skynet, tu crois que Skynet, sans déconner, les mecs ont inventé l'intelligence artificielle, ils se branchent sur Internet, ils tombent sur les staminards. Franchement, les machines se sont déconnectées direct. Elles sont toujours, me laisse tomber. Elles se barrent dans l'espace. Il n'y a rien à craindre, quoi. Bref, tout ça pour dire que le film pourrait partir dans une direction A, il part dans une direction B, ce qui est tout à son honneur. S'il partait dans une direction A, il y avait un côté hyper philosophique et hyper méta qui aurait fait que ce film pourrait être, on passe à pas loin d'un mind blow total, en fait. C'est comme beaucoup de films de SF de l'époque et même de maintenant. Je repense à très rapidement à Passengers avec Chris Pratt et comment elle s'appelle cette je crois que c'est la meuf qui a joué dans Hunger Games, je ne sais Jennifer plus. Jennifer Lawrence. Je crois, oui, c'est Jennifer Lawrence, c'est ça, et Chris Pratt, où le film est pas mauvais, la fin est à chier, elle est vraiment immonde, et c'est con parce que il y avait quelque chose à faire, effectivement, donc je vais pas, le sujet n'est pas là, donc je vais pas développer mon propos, mais il y avait quelque chose à faire pour en faire un film absolument génial en changeant les 5 dernières minutes, et c'est comme ça pour énormément de films et de... C'est vraiment le syndrome du film français où il y a plein de moments où ça démarre hyper bien, t'as trois quarts d'heure, une heure qui sont hyper bien, le réalisateur s'éclate, les comédiens sont dans leur truc, et d'un seul coup tu sens qu'il y a le producteur qui dit « Eh les gars, faut ranger votre chambre !» Et là ça. Les mecs torchent la fin, et du coup tu te retrouves avec torchent un truc la fin. Et surtout où il y a une bonne morale, où il y a voilà, un truc un peu facile. Voilà, c'est ça, c'est surtout quoi. Se sentir obligé de faire une bonne fin. Après c'est le syndrome du happy end que t'as dans quasiment 90% des films. Cite-moi un film qui finit vraiment mal. Les films de Huck, en fait, ils baisent et ils se marient jamais. Non, mais... Ce petit rire de politesse de la part de Chris est formidable. Je disais donc, tu me dis il y en a plein, mais parce qu'en fait, genre ça devient des contre-exemples, tu vois, vraiment systémiques. Mais en vrai, sur 100 films, il y en a 90 qui finissent bien. Tu vois. Oui, c'est ça. Il y en a plein, mais effectivement, dans le pourcentage, on est d'accord que non, on reste sur la happy end convenue. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, en parlant d'un film dont on n'a pas encore la fin, je pense que c'est le moment de citer Ocus, les cinq lettres magiques dont pour l'instant on connaît le début, mais pas vraiment la fin. D'ailleurs, et la fin, milieu. Est-ce que le réalisateur connaît lui-même la fin de Ocus? Oui, ça y est, la fin est faite, il manque à faire les dialogues, mais la fin est là, je sais comment ça va se terminer. Bon, puisqu'on va faire un peu de promo sans lien affilié, on va pas passer longtemps sur le sujet, hein. Ouais. Valentin Ocus, qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, surtout que je suis toujours très à l'aise pour parler de mes propres trucs. Ah bah alors attends, Chris, qu'est-ce que c'est Ocus? C'est une série de détournements qui est l'œuvre du dénommé Valentin. Et voilà. Moi, je suis pas un grand fan de détournements. Valentin le sait, donc je l'ai dit dès le début quand j'ai vu Ocus et déjà quand j'ai vu Mafia Red, son court métrage de détournement qu'il a sorti avant. Je dis moi le détournement, la classe américaine par exemple, il y a des trucs qui me font rire, les vannes me font rire, mais au-delà de ça, bon voilà, je suis pas un grand client. Un bon Mosinor. Allez. Non, c'est pareil, voilà. Je suis pas très client non plus. Je dis pas que c'est pas rigolo, je dis que moi, ça me. Oui, c'est ça. T'es pas. Ça te voilà, je suis pas hyper sensible au truc. Ça peut me faire sourire et tout, mais je trouve pas ça. Je suis très conscient du travail derrière qui est monumental. Là, dans le cas de Valentin, le travail est monumental. Le mec va chercher des extraits, genre, il lui faut l'image d'une bouteille de champagne qui pète. Il a passé 3 jours, ou plus, peut-être même, à chercher. Ouais, voilà, à chercher cette image de bouteille de champagne avec le bouchon qui saute, quoi. Donc, je veux dire, c'est un travail monumental. C'est de la folie, même. Et donc, je suis totalement conscient du travail derrière. Mais moi, après, au-delà de l'aspect technique qui, au contraire, là, que je trouve plutôt intéressant et vraiment hyper barré et travaillé, ça me fait pas hurler de rire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu seras jamais un influenceur, parce qu'on est dans la partie promo et tu dis, ouais, bon, bah, quand même pas ça. Non, mais c'est bien. C'est bien. Là, Chris vient de vous dire pourquoi il ne faut pas regarder Ocus. Maintenant, on va passer notre temps à dire pourquoi il faut regarder Ocus. C'est parfait. Très bien. Non, mais c'est ça, oui. Donc, oui, pour résumer, donc, c'est effectivement ça, une série de détournements. En 10 épisodes, il y en a 6 qui sont déjà faits. Les 4 autres arriveront en début 2021. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ce qui se fait dans le détournement d'une manière générale. Donc, de faire une histoire complète avec des personnages bien définis qui évoluent, avec du suspense à la fin des épisodes et de faire une vraie série entre guillemets à la Netflix entre guillemets encore une fois, mais qui est de l'ordre du détournement d'épisodes qui durent entre 8 et 14 minutes et qui, comme le dit Matt sans faire exprès quand il parle de film, effectivement il y aura une version film en fait où les épisodes seront mis bout à bout en gros, où je les raccorderai correctement pour en faire une version de du coup entre 2h et 2h15. Donc c'est pour ça que, effectivement, si vous n'êtes pas fan de détournement, ça risque d'être très long. Sans faire exprès, tu dis ça comme si j'étais pas au courant, t'es rigolo. Et du coup, en gros, c'est bon, la classe américaine, Mosinor, on a cité plein de références de trucs de détournement, avec Keanu Reeves dedans, des voix rigolotes, et ça raconte une vraie histoire. Voilà, et sachez que toutes les voix que vous entendez ce soir, aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, sont dans Ocus, puisque tout le monde a prêté sa voix, même Chris. Et d'ailleurs, Chris est hyper drôle dans Ocus, ouais. Donc on l'entend pas beaucoup, mais quand tout on arrive. L'entend, c'est marrant. Voilà. J'allais dire, il y a bien que dans Ocus que je suis rigolo, mais enfin bon. Donc ça se trouve sur ocus.fr. Voilà. Absolument. Et du coup, en un mot, puisque ça a été la polémique de plein de gens à qui tu en as parlé, pourquoi est-ce que t'as pas été foutu de foutre ça sur YouTube comme tout le monde? Parce que il est pas doué. Alors, Mafia Red, le court-métrage de 23 minutes de détournement où je détourne Scarface et les Blues Brothers et tout ça que j'ai fait il y a 2 ans, passe sur YouTube. Par contre, le reste, Ocus ne passe pas, aucun épisode. L'algorithme strike à chaque fois les vidéos. J'ai essayé sur Dailymotion, le premier épisode est passé et les épisodes 4, 5 et 6 sont passés, mais les 2 et 3 ne passent pas. Donc du coup, bah, c'est chiant. Donc il a fallu que je trouve un autre moyen. Sur Mega Vidéo, c'est passé. En attendant peut-être qu'ils durcissent leur polémique, leur politique, pardon, et leur algorithme. Je ne sais pas. Mais Mega, c'est pas le genre. Hein. Tu sais, Mega, c'est un truc d'échange, de partage, voilà. Limite piratage qui a été fait par Kim.com, qui est plutôt habitué à passer à travers les mailles du filet. Donc t'es à peu près tranquille. Je pense. Voilà, c'est pour ça. Pour l'instant, je pense que ça va. Et donc du coup, je les ai hébergés là, et pour que ce soit facile de les retrouver et de les regarder, on a décidé de centraliser ça sur un site web qui s'appelle donc ocus.fr, c'est facile, et qui a donc été créé par ce magnifique grand gaillard qu'est Yanda, qui a développé ce site pour Ocus, et merci à lui, merci à toi Yanda, tu es formidable. Bah avec grand plaisir, je m'étais proposé, je te l'avais dit, on en avait parlé un peu avant, et c'était la solution. Bah effectivement, voilà, quand t'es persona non grata sur les différents fournisseurs de contenu, c'est les internets et c'est la joie des internets, et on revient dans les années 90, on fait le truc nous-mêmes et puis tu fabriques ta plateforme. Ouais. Bah ouais. Ouais, oui, c'est ça, mais il y a vraiment, en fait, c'est ça que je trouve marrant au niveau de la philosophie de la série, entre guillemets, c'est qu'il y a ce côté-là de on revient 10-15 ans en arrière, et on essaie de diffuser la série comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire avec un site perso qu'on va diffuser autour de nous et tout ça, on verra si ça prend ou pas, et voilà, on fait pas la mode YouTube on est hors de notre temps, on est un peu anachronique là-dessus. On en rigole habituellement, mais là, en étant un peu plus sérieux 30 secondes, la démarche au travers d'Ocus et donc du coup par extension de son mode de diffusion, c'est purement le projet et la création pour le côté partage, quoi. Il n'y a aucune méthode envisagée pour en tirer quelques revenus que ce soit. C'est pas du tout. T'as fait un site sans lien affilié? À l'ordre du jour. Ouais, il n'y a pas de lien affilié. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de placer et tout. Valentin m'a dit non. Non, j'ai dit hors de question. Non. Un peu de Google Ad? Non. Même pas, voilà. Même pas de retargeting Facebook et tout pour que les gens. Non, rien. Que dalle. Il m'a fait. Mais comme c'est ça, j'ai dit, ok, d'accord, j'arrête. Monsieur Yanda, oui. Mais absolument. Oui. Et c'est ça, si vous téléchargez, parce qu'il y a toujours moyen de se rendre sur Mega, je pense, en cliquant sur le lecteur. Voilà, vous pouvez vous rendre sur la page Mega, et donc vous avez possibilité de télécharger directement sur Mega l'épisode. Mais faites-vous plaisir, allez-y, mettez ça sur une clé, filez-la à vos potes, enfin, j'en sais rien, ou juste mettez ça sur une disquette. Ou mettez ça sur une disquette. Alors il va falloir beaucoup de disquettes quand même, puisqu'on est déjà à 7 gigas de contenu. Mais ouais, moi, personnellement, moi, je m'en fous totalement. Tant que c'est diffusé et que c'est vu, qu'importe la manière, il n'y aura pas de vol, entre guillemets, quoi. Donc allez-y. Dans le kiff de la création, là. Ouais, c'est ça, complètement. Complètement. Il y a un vrai problème, là récemment on a pu avoir plusieurs exemples avec la création de contenu sur internet, toi tu as pas pu héberger Ocus malgré le fait que ce soit, bon c'est du plagiat et donc du vol, hein, comme le dit, c'est ça qu'il dit Kenny Reeves. Alors c'est sur le site, mais c'est Orson Welles qui dit ça dans La Classe Américaine, ouais. C'est ça. C'est du vol et du plagiat. Et du coup, il y a alors évidemment, tout ça n'est pas fait de façon très légale, mais puisque de toute façon, toi, tu ne monétises pas et que tu n'en tires pas de contenu, il y aurait pu avoir une version un peu, enfin, dans un monde idéal, Universal ou je sais pas qui détient les droits aurait fait du claim sur tes vidéos, ils les auraient laissés sur YouTube, ils auraient monétisé à ta place, ils auraient pris du pognon sur ton boulot et toi, tu aurais pu avoir la diffusion que tu voulais. C'est ce qui se serait passé dans un monde idéal, mais on n'est plus du tout là-dedans et on a pu le voir avec Ocus, dont on a suivi la création parce qu'on parle beaucoup ensemble. Toi et nous, on a pu le voir aussi avec le film de Clem, le frère de Chris, qui a publié un film dont personne ne veut. C'est-à-dire que ça a été striké par toutes les plateformes de vidéos comme pour toi. Pour d'autres raisons, pour le coup. Ouais. Il l'a mis sur, du coup, oui, parce qu'il y a de la violence et du sexe. Du coup, il l'a mis sur Pornhub pour voir. Même Pornhub en veut pas. C'est vrai. Putain, j'étais pas au courant de ça. Il a été striké de. Oh la vache. Alors en fait. Je parle en son nom, je me permets. À la base, il devait participer à un concours de court-métrage. Les autres participants ont vu le film, ils ont dit, en fait, on veut pas de toi dans le concours. Enfin, je pense que c'était pas dit méchamment, tu vois, trop mais ils hardcore. ils ont dit, ouais, t'es trop hardcore, il y a des thèmes très clairement. Alors, il y a une scène de viol, on peut le dire clairement. Qui ne fait pas l'apologie du viol. qui pour moi ne fait pas la pollution. En fait, c'est le principe du rap and revenge. Tu vois, le rap and revenge, c'est des films où on va parler de viol et ça fait pas l'apologie du viol. Ça ne dit pas aux gens. Même si j'ai un mauvais accent, c'est plus rape and revenge parce que rap and revenge. On va taper Eminem parce qu'il a sorti un morceau. Ouais, bref. Toujours est-il que après, il y a des gens qui verront peut-être une apologie du viol. Évidemment, c'est pas le message de fond. Loin de là. Connaissant mon frère, je peux vous l'assurer. Mais c'est un peu facile à dire parce que c'est mon frère, donc forcément, cet enculé, vraiment. Bon, bref. Moi, connaissant pas trop ton frère, je peux dire que c'est pas non plus. Voilà, il y a pas d'apologie. C'est pas une scène qui est particulièrement excitante ni rien. Surtout quand tu vois le résultat. Voilà. Exactement. Et le message caché derrière me paraît pourtant assez clair. Ça me paraît assez clair aussi, même si je ne vais pas spoiler le film. Ça s'appelle donc. Il faut aller chercher, je pense, sur Twitter, parce que du coup, il a dû le partager sur Twitter. Donc, je continue l'histoire. Il a été évincé de cet événement parce qu'on a estimé que son contenu était un petit peu limite. Il l'a posté sur YouTube et au début c'est passé parce que je crois que c'est tellement what the fuck que le bot n'a pas compris ce que c'était. Sincèrement, je pense le bot a appelé ses parents. Ouais, non mais je pense qu'avant ça c'est passé. Et en fait, si ça a été striké, c'est parce que ça a été dénoncé, mais enfin en tout cas. Signalé. Voilà, ça a été signalé à YouTube. Donc là, ça a été striké, mais c'est quand même resté quelques heures sur YouTube, ce qui est assez étonnant vu le contenu. Et suite à ça, il l'a donc mis sur Pornhub, pensant que c'était le sexe qui posait problème à YouTube. Mais comme il y a aussi des scènes violentes avec du sang, visiblement Pornhub, lui, n'aime pas trop la violence. Ah. Donc ça a été striké de Pornhub. Résultat, il a hébergé la vidéo sur Google Drive. Et si vous allez sur le Twitter de mon frère, qui doit être Clemstup, C-L-E-M-S-T-U-P, en un seul mot, je crois, vous trouvez sur Twitter un lien vers cette vidéo qui est hébergée, ce court-métrage qui s'appelle Love Bites ou Love Beat, si vous avez un accent français, puisqu'il y a forcément un jeu de mots un petit peu malsain dans tout ça. Voilà. On va évidemment, comme nous sommes irrévérencieux et nous sommes des déglingos, on va évidemment partager le lien sur le Twitter de l'Estaminard, vous le retrouverez très simplement. Du coup, c'est aussi l'occasion de s'abonner au Twitter de ton frère qui publie régulièrement des films un peu hors normes. Oui, tout à fait. Il aime beaucoup le cinéma de genre. C'est un peu le mix entre Lloyd Kaufman de Trauma, le David Cronenberg des débuts et puis un mec qui a pas d'argent mais qui a une caméra, quoi, tu vois. Ouais, c'est sale, quoi. C'est très, très sale. Excuse-moi, j'étais en train de boire. ouais, c'est un peu sale, mais c'est pas du sale pour du sale. En général, il y a un message qui est pas forcément... je dis pas que c'est du cinéma engagé, loin de là. C'est même pas son but. Il y a aussi la volonté, clairement, de choquer et que les gens soient mal à l'aise. Hein. Voilà, Par contre, effectivement, c'est pas des trucs qu'on voit, même dans des films violents, produits de manière classique au cinéma. C'est vraiment pas des trucs qu'on a l'habitude de voir, quoi qu'il arrive. Ce qui est en fait à prendre en compte, c'est que tu dis c'est pas commun dans les productions à gros budget qu'on voit au cinéma et tout. Mais en fait, on est justement là dans le truc, c'est que Clem, il sait qu'il peut pas faire de production à gros budget au cinéma. Personne ne le laisserait faire ça au cinéma. Donc il se dit, en fait, tant qu'à faire d'être obligé de le faire moi-même avec les moyens que j'ai, bah je le fais. Puisqu'après tout, pourquoi faire un truc standardisé à mort pour plaire aux gens, sachant que déjà les gens, tu les intéresses pas. Il n'y a aucun intérêt à produire quelque chose pour plaire à des gens qui, en fait, s'en foutent, puisque tu es déjà hors norme pour eux. Effectivement, on disait, le producteur qui va mettre son nez, qui va te dire, refais ton script, faut que ça se finisse bien, machin. Si tu veux pas, si tu veux pas répondre à ces critères-là et faire un truc qui correspond à ces attentes-là, bah, autant aller jusqu'au bout et faire quelque chose qu'effectivement qui va choquer les mecs qui veulent faire de l'horreur, les mecs qui veulent faire du porn, tout le monde en fait trouve ça hors norme parce que c'est trop sale pour de l'horreur et trop sexuel pour de l'horreur, c'est trop sale pour du porno, c'est trop brutal pour du porno. Ça rentre dans aucune catégorie. Et du coup, j'ai partagé aujourd'hui sur Twitter, tu vois, l'excellente vidéo d'une chaîne qui s'appelle Le Coin du Bis sur la catégorie 3, qui est une catégorie de cinéma bien spécifique du cinéma hongkongais. Et ça rejoint exactement ça. En fait, c'est vraiment une catégorie de films qui est hors norme, qui est produite dans un contexte hyper particulier. Là, on est un peu dans le cadre des mecs où, bah, en fait, qui avaient pas trop de limites, quoi. On leur a un peu dit, bah, allez-y, faites ce que vous voulez. Et on est un peu là. Aujourd'hui, Internet, ça te permet de faire exactement ce que tu veux. Donc, pourquoi aujourd'hui, encore, en tout cas, mais ça devient compliqué. En fait, ouais. Moi, je pense pas que ça devient plus compliqué. C'est juste qu'on s'est standardisé sur des formats de diffusion. On s'est standardisé sur YouTube, sur tel ou tel type de plateforme. Et du coup, aujourd'hui, on se dit, bah, merde, si ma vidéo correspond pas aux attentes de YouTube, bah je vais pas pouvoir la mettre sur YouTube, autant que je fasse un truc qui correspond. Mais non, tu peux aussi faire un truc qui correspond aux attentes de personne et effectivement le diffuser autrement. Après, c'est à tes risques et périls de ne toucher qu'une petite partie d'une toute petite communauté, mais comme de base c'est déjà trop trash pour 90% des gens et du commun des mortels, bah en fait c'est pas grave, parce que de toute façon le public YouTube, s'il tombe là-dessus, il va pas être bien, donc c'est peut-être aussi bien qu'il le voit pas, tu vois. Bah en plus, il n'y a pas de fiche Wikipédia qui explique le film, donc forcément, c'est galère pour les gens qui sont abonnés. C'est chiant. Bah, là, tu es obligé de faire fonctionner ta tête. Hein. Là, tu peux pas. C'est chiant, quoi. C'est marrant parce que ces films comme ça, un peu étranges, avec un circuit de distribution, finalement, ça a toujours existé, quoi, tu vois. Enfin, s'il fallait parler de films un peu trash. À la fin des années 90, quand Yann Kounen sort Doberman, juste avant, il a fait Vibro Boy, qui est quand même un film qui se passe dans un sorte de camp. J'allais dire camp de Manouche, mais je pense que les Manouches sont beaucoup plus classe que ce qu'on voit dans le camp, en fait. Et c'est un scandale. Et en fait, le sale type de l'histoire finit par avoir un godemiché au bout d'un marteau-piqueur et par goder tout le monde, par exemple. Enfin, tu vois, ça fait partie de ces films. Est-ce qu'on peut parler de Tetsuo The Iron Man, qui est un justement, ils sont sortis en même temps au cinéma. Il y avait un diptyque, Tetsuo et Vibro Boy. Quand c'est sorti au ciné, c'est deux cours qui doivent faire une quarantaine de minutes chacun. Et voilà, ils étaient vendus ensemble. Mais parle-nous de Tetsuo. Ouais. C'est un film, on peut dire, d'horreur japonais, qui touche vraiment au principe au concept du body horror. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais en gros, voilà, le type se transforme peu à peu en machine jusqu'à ce que sa bite devienne une foreuse, une gigantesque foreuse, voilà. Ce qui éventuellement peut provoquer des problèmes. Enfin, tu vois, ça peut éventuellement générer des difficultés quand on sait que jamais été gigantesque. Trop emmerdé par ce principe, mais bon, après, voilà. Voilà. Et, on s'habitue et à en tout, plus, hein. C'est voilà. C'est un truc avec un budget assez restreint, c'est filmé en noir et blanc, c'est sale. L'horreur japonaise, par nature, c'est pareil. L'horreur asiatique, de toute façon, est super intéressante. Il y a des tas de trucs à aller explorer dans ce domaine-là, et chez nous, on n'est pas trop sensible à ça. Mais ils ont aussi, déjà, il y a tout un aspect mythologique et religieux qui existe chez eux, qui est pas du tout présent chez nous. Nous, on va avoir l'exorciste, tu vois, et les croyances en Asie sont pas du tout les mêmes que chez nous, donc ils vont avoir un autre rapport aux films de fantômes, aux films de zombies, aux films d'horreur au sens large. Et à tout ce côté aussi transformation qui est hyper présent dans leur culture et peut-être un peu moins chez nous, à part le zombie basique et encore qui est importé d'autres cultures, qui est même pas typique de nos cultures européennes, on va dire. Et il y a vraiment plein de choses à creuser qui sont hyper intéressantes et qui du coup nous mettent mal à l'aise parce que ça fait pas du tout partie de nos habitudes en termes de consommation, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, si tu fais de l'horreur juste pour me montrer un mec avec une machette qui tue des ados, en fait, ça se passe en vrai dans la rue en ce moment, donc du coup, je suis moins impressionné, quoi. Je veux dire, enfin non, mais c'est horrible. Mais le principe du cinéma, c'est d'aller, tu vois, d'aller là où on ne va pas. Enfin, si c'est pour me montrer, c'est pour ça que le cinéma français est atrocement chiant. C'est pour montrer un couple qui est marié depuis 30 ans qui s'engueule dans sa cuisine. Bah, je veux dire, je vais voir mes parents, tu vois. J'en sais rien. Enfin, je vais pas voir le. Tu veux qu'on en parle? Non, mais en fait, c'était un mauvais exemple. Parce que mes parents ont divorcé il y a bien longtemps. Mais on en parlera dans un prochain épisode quand on parlera de nos problèmes personnels. Mais bon. L'épisode d'Yvan, ouais. Ouais, c'est ça déjà. Bah, le divorce, l'épisode où on s'engueule. D'accord. L'épisode où on parle du divorce de nos parents et où à la fin, il y a un membre de moins. Le concept, ça trop bien. Super. Mais ouais, tout ça pour dire que oui, le cinéma, pour moi, parmi, comme la BD d'ailleurs, même comme la musique, et aussi, pourquoi la musique est autant standardisée? Qu'est-ce que c'est vraiment la musique? Tu peux faire, il y a un mec, je sais plus de quel groupe, le gars joue dans un groupe de death metal déjà un peu allumé, et il a fait un album qui doit durer une quarantaine de minutes, et en fait, c'est une variation d'une seule note, avec des bips, et ça dure 40 minutes, quoi. Et alors, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est pas de la musique? Est-ce que finalement, il faut y voir une forme de démarche artistique complètement what the fuck, et bon, tu peux saluer la prestation, mais te dire, bon, bah, j'ai pas envie de danser là-dessus. Est-ce que du coup, il aurait pas dû le faire, puisque c'est pas standardisé pour passer sur MCM à 17h? Bah non, enfin voilà. Donc, je pense que, dans tout, en fait, on se pose des limites tout le temps pour que ça convienne à des standards, mais en fait, les standards, on peut aussi les exploser quand on a envie de les exploser. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps le faire, parce que sinon, on aurait que des trucs peut-être complètement perchés, mais quand on a envie d'aller plus loin que le standard, qu'est-ce qui t'en empêche? Aujourd'hui, sur Internet, et même dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'en empêche? Si t'as envie de faire de la musique et chez toi et de faire un truc complètement barré, t'as le droit de le faire pour toi, tu vois, donc voilà. Par exemple, nous, on vient de faire une première partie de 50 minutes. Bon, bah, c'est complètement hors format par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et pourtant, bah, c'était bien. Tu vois, c'était quand même... T'as trouvé ça bien, toi? Ouais, moi, je trouvais ça intéressant. Le début, surtout, était sympa. Ouais. Après, quand on a parlé de ton frère, j'étais un peu moins bon. Yes. C'est toi qui as lancé le sujet, en plus, t'es gonflé. Ouais, mais je pensais que t'en parlerais mieux. Ah merde, bah, il en parlera bien. Il en parlera beaucoup mieux le jour où on l'invitera, je pense. Ouais, faut l'inviter. Faudra je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est clair. Ce genre de choses. Mais pour, okay. Alors, pour avoir entendu son frère discuter avec Punky, notamment, ils ont des sujets en commun qui sont. Ils ont plein de sujets en commun au niveau de la pop culture et ils sont très très passionnants à écouter. Juste, tu les lances tous les deux sur un sujet et c'est très drôle à écouter, c'est passionnant. Notamment sur les dessins animés de notre enfance. Ce serait intéressant qu'ils fassent un podcast, eux, où ils discutent entre eux, et comme ça, nous, on pourrait l'écouter. C'est ça, ouais. En live. Il y a un vrai truc à faire. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On pourrait jouer aux jeux vidéo? En écoutant ça, ce serait cool. Ah oui, ou jouer aux jeux vidéo, ça marche aussi, c'est vrai. Ah. À l'ancienne, quoi. Genre quoi? Qui joue à quoi? Vous jouez à quoi? Moi, je joue plus, j'ai plus le temps. Moi, j'ai déjà joué au premier Splinter Cell, mais j'étais pas hyper calé en Splinter Cell. Splinter Cell, je connais juste de nom et de visu, moi. Je connais que de quelle nom, indignité. Quelle indignité, vraiment. Je vois juste un mec avec trois yeux verts. Vous me désolez, Splinter Cell, c'est la meilleure licence du monde dans le jeu d'infiltration. Splinter Cell, c'est là où les mecs, ils le parodient avec ils marchent à genoux avec un carton, c'est ça? Non, ça c'est, non, c'est Metal Gear, ça. C'est Metal Gear, ouais. Okay. Splinter Cell, donc c'est toi, Yomé. Oui, je l'avoue, je ne suis pas bon sur tous les sujets. Voilà. Sache-le. Je lance une piste, donc Yanda, du coup, si toi tu y joues, c'est bien plus, on va dire, réaliste et plus, ça joue encore plus sur la furtivité que Metal Gear Solid. C'est ça le concept. Alors les premiers épisodes, parce que les derniers sortis donc sur les consoles next-gen ont pris une orientation beaucoup plus arcade, ce qui est dommage, mais les trois premiers épisodes de la série, donc sortis sur Xbox première du nom, c'est fait par Ubisoft. Oula, c'est vieux ça. Ouais, c'est vieux. Ok, boomer. Mais on est sur un véritable jeu d'infiltration pur et dur. Sachant que le jeu te laisse quand même la liberté d'approche, parce que tu peux tout aussi bien décider de faire le jeu en mode Bruinos. Comme Hitman et tous ces trucs-là, quoi. Exactement. Et de foncer dans le tas et d'essayer de t'en sortir comme ça. Mais le jeu prend tout son sens et tout son sel lorsque tu le fais en infiltration vraiment poussée. Et moi, j'ai adoré cette licence jusqu'à la déception des derniers épisodes, malheureusement. Mais pour moi, le top du top de Splinter Cell, c'est le troisième volet de la série, qui est intitulé Splinter Cell Chaos Theory, qui marque pour moi l'apogée de la saga, d'une part avec le mode solo hyper avancé, et aussi pour le mode multijoueur. Ça, je pourrais en parler un petit peu après. Mais ce qui est génial avec Chaos Theory, c'est qu'ils ont intégré, en fait, alors... Tu vas avoir le truc, c'est assez simple, ça s'inspire des romans de Tom Clancy, ouais. Donc de tout ce qui est dérivé après, parce que pendant un moment Ubisoft a beaucoup capitalisé sur les romans, ou en tout cas les thèmes géopolitiques, stratégiques, militaires, etc. de Tom Clancy dans ses livres, pour sortir toute une série de jeux vidéo. Oui, donc, alors rappelle, putain, j'arrive pas à me souvenir du nom. On a Rainbow Six. Rainbow Six, c'est ça que je cherchais. Le premier vraiment connu, où là on qui est très, sur du qui est très FPS. Réaliste dans la, en gros, une balle, tu meurs, il faut être hyper prudent. Et... Alors oui. Enfin moi, j'ai joué à un jeu qui était un Rainbow Six qui était comme ça. Ouais. C'était plus le Rainbow Six, c'était plus sur le côté réaliste du SWAT, puisque t'étais une équipe d'intervention spéciale et t'avais vraiment le délire où tu rentrais par les fenêtres, tu faisais les cordages pour descendre en rappel et tu passais par les fenêtres, tu pouvais coordonner les interventions puisque tu dirigeais soit avec des potes ou soit avec l'IA, vous étiez une équipe de 3 et tu pouvais vraiment coordonner des approches, etc. C'était très, très poussé. C'est hyper tactique, ouais. Exactement, hyper tactique. Après, il y a eu Ghost Recon qui était un petit peu plus militaire, et Splinter Cell qui était vraiment l'orientation infiltration. Infiltration, espion, ouais. Et qui, pour le coup, est lui vraiment inspiré de romans de Tom Clancy, puisque Splinter Cell est une licence à roman de Tom Clancy, où on suit les aventures de Sam Fisher, qui est un espion au service d'une organisation qui s'appelle... Un espion d'Avignon ? Exactement. Oh là là. Val, il mène l'interview, ça se passe bien et tout, et d'un seul coup, il fait caca par terre, quoi. Ça, ça c'est rock'n'roll, ça. Et du coup, on suit Sam Fisher, donc on est dans un contexte géopolitique, alors c'est très lambda et ça n'invente rien en termes de scénario, les méchants et Sam Fisher doit aller sauver le monde tout en restant incognito, et s'il se fait prendre, bah, tout le monde n'ira jusqu'à son existence. Petit fait sympathique, la VF de Sam Fisher était assurée par le doubleur de, entre autres, Arnold Schwarzenegger. Non, j'ai pas le nom par contre du doubleur français. Attends, je vais fact-checker. Mais mais du coup voilà, ça rajoute au côté badass du personnage et voilà, c'est un jeu vraiment d'infiltration et d'espionnage. Donc tu dois souvent aller récupérer des plans ou des trucs, sauver un otage, enfin Daniel Beretta, oui, c'est merci. Ça. Merci. Voilà, je le savais en plus. et donc Chaos Theory intègre une mécanique de jeu qui à mon sens était nouvelle à ce moment-là, donc 2005 pour Chaos Theory. Exact. Ça nous ramène il y a 15 ans, mon bon monsieur. En fait, Chaos Theory, une des nouveautés, c'est que tu avais donc une jauge qui indiquait ton taux de visibilité par les ennemis. Donc en fonction de si tu étais plus ou moins dans l'ombre ou dans la lumière, bah, tu pouvais être repéré par les ennemis. Mais ça ajoutait également une jauge de bruit. Donc, si tu marches sur des morceaux de verre, si tu cours, si tu marches sur des passerelles en bois, ça fait plus de bruit et donc les ennemis à distance. Au sourire de Matt, je devine qu'il pense s'il pète. C'est ça que t'as. C'est exactement ce que j'allais dire, putain. Vous lisez en moi tel un livre ouvert. Et en fait, il y avait. Imagine, tu pètes dans les conduits d'aération là, en métal, là, ça résonne. Il y a aussi une notion d'odeur. Tu vois, il y a la vue, chose le bruit d'odeur. Et l'odeur. Et en plus, pour aller dans le sens de votre vanne, le jeu a intégré aussi une nouvelle mécanique qui permettait. Tu mangeais des faillots. Presque dans des couloirs relativement exigus. En fait, si tu sautais. Tu te mettais sur le bord d'un mur, tu sautais et en fait tu avais possibilité de te mettre donc en hauteur, il écartait les jambes et il se mettait en suspension du coup au-dessus des ennemis en se maintenant avec les jambes de chaque côté et ça te permettait après de pouvoir assommer les ennemis, etc. Leur déféquer dessus. Tu peux leur bouffer dans la gueule. Exactement. Et c'est vraiment canon. On peut pas être sérieux 5 minutes ici. Non, c'est vraiment canon. Jamais. Et du coup, Splinter Cell aujourd'hui est affiché sur le store de Ubi au tarif prohibitif de 9,99€. Ouais. Du coup, il y a souvent des promotions en plus. Donc, Chaos Theory ou Chaos Theory, ouais. Ouais. Okay. Alors que Splinter Cell, le premier du nom, profite régulièrement de dons et de gratuits. Enfin, tu vois, par exemple, il est dans ma bibliothèque et je me souviens pas l'avoir acheté, donc il a dû être en promo. Je pense et qu'il a gratuit. Lui, par contre, il a dû bien vieillir. Mais Chaos Theory, parce que du coup, je l'ai repris sur Steam il y a assez peu de temps, quelques jours, et je l'ai relancé par curiosité et il a relativement bien vieilli. C'est plutôt intéressant de le refaire. Alors le seul bémol, c'est qu'il n'y a plus le mode multijoueur en ligne. Ça m'intrigue, ça, le mode multijoueur, parce que Comment tu fais un multijoueur d'infiltration ? Eh ben, ils sont tous cachés derrière une boîte différente. C'est une sorte de cache-cache numérique de ouf. En fait, le multijoueur qui a été intégré à partir de Chaos Theory. Chaos Theory est le premier volume de la série à avoir intégré un mode multijoueur à ça. Et ce mode multijoueur est j'ai envie de dire parfait, mais c'est un peu exagéré parce que j'y ajoute une couche de nostalgie, parce que j'y ai passé, je pense, des centaines d'heures à l'époque avec mes potes. En fait, le concept du multijoueur de Splinter Cell, c'est du 2 contre 2 dans des endroits fermés. Et en fait, tu vas avoir une équipe de 2 espions et une équipe de 2 mercenaires. Le but du jeu en tant qu'espion, ça va être soit d'aller récupérer un item protégé par les mercenaires, soit de désactiver un item protégé par les mercenaires, ou alors de poser une bombe sur un item qui est protégé par les mercenaires. L'intérêt et tout ce qui fait le sel du jeu, c'est que, en fait, les espions, quand tu joues les espions, tu es donc un personnage qui a la possibilité de se fondre, entre guillemets, dans le noir. Tu ne disposes d'aucun équipement létal. Tu as un pistolet électrique qui permet de taser l'ennemi, mais c'est tout. Après, tu vas avoir des grenades fumigènes, des grenades flash. Et tu es par contre un personnage très souple, donc tu peux t'accrocher au conduit, etc., te cacher. À l'inverse, quand tu joues mercenaire, tu diriges le jeu en mode FPS, donc vu à la première personne. Ah, la vache, tu es, tu as un équipement lourd, donc gros fusil mitrailleur, tu peux poser des mines de proximité, tu peux, voilà. C'est ce qui fait tout le sel du jeu, en fait, parce que bah, quand t'es espion, le but du jeu, c'est d'être vraiment hyper discret pour bah, soit éliminer les mercenaires ou alors aller récupérer les objectifs sans te faire voir. Et le but des mercenaires, c'est d'aller débusquer les espions avant qu'ils arrivent à mener leur mission à bien. Et c'est trop bien. Excellent, parce que ça te met des coups de pression et des coups d'adrénaline, d'autant plus que lorsque, à l'époque, c'était les premiers jeux en réseau, et donc on avait les micros, etc., donc tu avais la possibilité bah, de communiquer avec ton partenaire, mais les espions avaient possibilité d'attraper, en fait, si tu te positionnais derrière un mercenaire, tu l'attrapais par la nuque, et il était coincé, et à partir de là, tu pouvais soit l'assommer ou soit le tuer. Et à ce moment-là, en tant qu'espion, si tu arrives à attraper un mercenaire, tu peux lui parler, il t'entend. Et donc là, c'était les séances de troll abusives, puisque tu arrives à attraper c'est le mec. C'est trop bien. Ouais. Il est bloqué. Je te pécho, C'est ça, exactement. Tu fais, eh ben alors, regarde. Ah, c'est terrible. Voilà. Tu sens ma langue dans ton oreille. C'est exactement ça, voilà. C'était complètement ça. Et donc c'est génial. Et à l'inverse, quand t'es mercenaire, t'as possibilité de choquer un espion, c'est-à-dire que tu lui mets un coup de crosse, il se retrouve assommé par terre. Et à ce moment-là, tu t'assois sur lui. Et là, pareil, tu peux lui parler. Là, pour le coup, c'est vraiment. Ça a été fait pour le troll, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais enfin, okay. Et ce multijoueur est extraordinaire. Ils ont essayé un petit peu de le refaire dans les épisodes un peu plus modernes, mais ils ont, je trouve justement, voulu trop moderniser le truc et ça perdait en sel et c'est un petit peu dommage. Mais ce multijoueur n'est plus disponible aujourd'hui sur la version PC puisque bah, les serveurs d'Ubi ont été désactivés. Il est uniquement disponible si vous jouez en local, les bonnes vieilles LAN, donc sur les réseaux domestiques et vous montez plusieurs PC ensemble et vous pouvez le faire. Mais le vrai problème, le problème de fond, en même temps, j'allais dire dans ces trucs-là, sur des serveurs d'Ubi, des jeux où tu peux t'asseoir sur le visage des gens, tout ça, c'est peut-être pas non plus la période pour jouer à ça chez Ubisoft, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, évidemment, pour comprendre cette vanne, il faut avoir suivi l'actualité. Tu voulais nous parler de quoi ? Ouais, je voulais vous parler d'un vrai problème, d'un vrai paradigme de joueur que j'ai eu du coup en réinstallant Chaos Theory sur Steam et donc sur mon PC. C'est qu'à l'époque, j'y avais joué sur Xbox. Et donc avec ma belle grosse manette Xbox. C'est de la merde, la croix et le stick ils sont inversés. Et du coup, non, en plus c'est vachement plus ergonomique d'avoir les sticks inversés par rapport aux manettes de PlayStation. Mais bon bref. Et du coup, quand j'y ai rejoué sur Steam, et ben en fait j'ai découvert que la version PC de ce jeu-là n'avait pas été prévue et programmée pour être compatible avec les manettes Xbox de l'époque. Donc je suis obligé de jouer au clavier. Et c'est difficile de jouer au clavier. Je ne suis pas du tout un joueur clavier. Moi, je suis un joueur manette. C'est pas un FPS, Splinter Cell. Non, c'est pas un FPS. Mais bon, donc, ça se joue à la manette. Ça peut se jouer. Je suis d'accord avec toi. Ça se joue très bien à la manette. Mais même les FPS se jouent à la manette. Hein. Moi, personnellement. Mais tuez-vous Tuez-vous Alors, ouais, ça ne me gêne pas. J'avais joué à, je sais plus, Borderlands à la manette. Je crois que c'était pas déconnant. Mais on est d'accord. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Estaminaire. Les FPS, c'est peut-être le seul type de genre de jeu où j'aime bien le clavier souris. Non, je suis con, il y a le point and click et tout ça. Non, mais c'est vrai que le FPS est quand même plutôt bien fait pour le modèle clavier souris. Et toi, tu n'y arrives pas du tout, quoi. Non, pas du tout. Mais parce que j'ai très peu joué en clavier souris, quel que soit le jeu. J'ai beaucoup plus joué manette et console. Et bouger la souris qui fait bouger ta tête, pour toi, c'est pas intuitif. J'ai vraiment un vrai problème de coordination pour gérer effectivement la souris qui va gérer la vue et les touches du clavier qui vont gérer les actions. Qu'avec une manette, pas de souci. Ou pas souci aussi, ça marche aussi. Pas souci. Ouais. Y a pas souci. Ouais, moi je suis pas précis avec le pouce droit pour sur le stick pour réussir à viser en fait. Dès que c'est un peu il y a de la visée et du tir, je suis obligé de passer en souris quoi. Et que ce soit pour tout ce qui est FPS ou même des jeux genre Just Cause par exemple, que je fais clavier souris, qui est pourtant un jeu qui a été fait pour être joué à la manette quoi. Just Cause 3, tu vois, sa grosse sortie c'était la PS4. Ouais, je suis obligé de passer en clavier souris pour jouer à ça. J'arrive pas à viser avec mon pouce droit et le stick droit. Mais est-ce que c'est parce que je suis gaucher? Ce n'est pas impossible. Non, je pense qu'après, moi c'est pareil, je suis tout ce qui est FPS, je suis plutôt, enfin je suis largement même pour souris clavier. Tu joues aux jeux vidéo toi? Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. J'ai beaucoup aimé Super Mario, je sais pas si tu connais. Que tu jouais avec clavier souris du coup. Ouais, du coup. Ouais. Voilà, ouais, bah, ça doit rajouter une sacrée dose de difficulté. Non, là tu vois, j'ai fait The Witcher, je joue souris clavier, je joue aussi. Alors tu vois, à l'inverse, j'ai fait Diablo 3 sur PS4 et du coup là il m'a fallu pas mal de temps pour m'habituer parce que j'avais beaucoup joué à Diablo 2 souris clavier sur PC à l'époque. Et quand j'ai joué Diablo 3 à la manette et The Witcher souris clavier. Ouais, exactement. Bah parce que The Witcher je l'ai fait sur PC. Donc c'est quoi coup, ce j'ai monde joué souris Chris clavier. Et en fait non, mais pour revenir à ton problème Matt, je pense qu'il faut que tu règles la sensibilité de ta manette parce que le rendu sur une manette est complètement différent, c'est beaucoup plus sensible qu'une souris où là tu peux vraiment bouger de très très précisément. Et je pense que en réglant la sensibilité de ta manette, c'est plus facile en la baissant un peu de viser à la manette. Je dis pas que c'est mieux, je préfère viser à la souris, mais en baissant la sensibilité, tu devrais te rapprocher d'un truc un peu plus jouable. Après, moi, j'ai pas de problème à jouer clavier souris. Tu vois, je sais qu'il y a certains jeux où, voilà, c'est comme ça que je joue. Je suis pas un ayatollah ni de l'un ni de l'autre. Je m'adapte en fait en fonction du jeu. Mais du coup, je cherche pas les FPS. Je cherche pas du tout. Pour moi, Fallout à la manette, c'est une hérésie, tu vois. D'autant que Fallout, c'est un jeu de combat au tour par tour à l'origine, donc ça se joue à la souris. Hein. Quand c'est passé Fallout 3 avec vos conneries là en vue subjective, bon bah je suis resté avec ma souris Fallout quoi. Non, mais je m'adapte vraiment en fonction des jeux. J'ai pas besoin de dire ça se joue avec clavier souris. Ah c'est pas une manette, non. Je ne jouerai pas à ceci. Je rebondis un peu tard, mais petite anecdote sur Super Mario en clavier souris. Il y a une version. Je le remontrerai au montage. Absolument. Il y a une version absolument pas officielle de Super Mario qui a été faite où ils ont croisé Super Mario avec Portal. Et c'est super drôle déjà comme concept. Donc Portal, le jeu où tu peux te téléporter entre deux portails que tu crées où tu veux. Et du coup, il y a le vrai jeu Super Mario, comme à l'époque, sur NES, donc tu joues au clavier, tu diriges Mario au clavier, et avec ta souris, tu vises dans le niveau pour faire tes portails, et puis te téléporter où tu veux avec tes portails. Donc tu peux jouer à Super Mario au clavier souris, avec une dose de Portal dedans, et c'est plutôt rigolo. Je sais pas si on peut le trouver encore sur le net, moi j'ai joué à ça il y a 6-7 ans. Ou même si c'est trouvable, mais vous tapez Super Mario Portal sur Google, ça devrait être trouvable ou pas, je ne sais pas. C'est vraiment le podcast de nos vieux souvenirs. C'est les films qu'on a vus il y a 20 ans, les jeux auxquels on a joué il y a 6-7 ans. Mais qu'on refait aujourd'hui, tu vois, c'est le vieux Dark City, le vieux Splinter Cell. Si on veut découvrir Splinter Cell, Yanda, on commence par le 3, c'est ça? Ouais, parce que je pense que les autres ont quand même très mal vieilli, et le 3 est un... Et de toute façon, c'est le meilleur. Si tu veux vraiment un jeu d'infiltration... C'est Splinter Cell Chaos Theory, donc le troisième du nom, à 9,99€ sur Steam, code créateur Lestaminerd, et lien d'affiliation en commentaire de ce podcast ou affiché tout de suite à l'écran. 1h08 il a mis pour sortir, ça. Et du coup, ouais, parce qu'après les autres sont beaucoup plus arcade. Le quatrième qui est double agent de mémoire, intégrait une notion un peu de choix dans l'émission. Et qui du coup orientait le déroulé de ton scénario. Donc tu pouvais avoir une bonne fin, une mauvaise fin, etc. Et après, Conviction et Blacklist sont beaucoup plus orientés arcade et beaucoup moins infiltration. Donc ça reste des jeux sympas, mais on perd vraiment l'essence de Splinter Cell qui reste un jeu d'infiltration. Donc si vous n'avez jamais joué à Splinter Cell, offrez-vous un petit Splinter Cell Chaos Theory sur Steam et vous aurez l'occasion de découvrir un jeu d'infiltration de 2005 qui a très bien vieilli et qui reste très agréable à jouer. Un jeu de très bonne facture. Un jeu de très bonne facture, effectivement, en attendant d'investir dans Hades. C'est ça qui est scandaleux, en fait, dans les jeux. Tu parles du 4 où tu peux choisir comment tu vas faire le jeu, mais le jeu te juge et donc tu peux avoir une mauvaise fin. Donc, le jeu te dit, écoute mec, tu fais comme tu veux, mais si tu fais ça, t'auras une fin pourri. Donc tu fais, mais je te dis, tu fais ce que tu veux, mais je te juge. C'est un scandale. Ouais, c'est ça en fait. T'as un exemple dans Double Agent. T'as la possibilité de sauver un otage. Bah, est-ce que tu le sauves ou est-ce que tu le laisses se faire buter? Et en fonction de ton choix, bah, ça influe sur la suite de l'histoire. Et voilà. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Alors au final, il y a quand même deux fins radicalement différentes, mais t'as pas toute une myriade de fins comme tu peux avoir dans certains jeux aujourd'hui où justement les choix ont vraiment de grosses conséquences. Là, ça reste quand même assez scripté. Ça m'a fait pareil dans A Plague Tale que j'ai fait last week-end. Ah, le jeu des Bordelais. Tu te fais courser. Le jeu de Bordelais, oui, ouais, ça fait plaisir. La famille, oui. T'as compris. Ils ont dû le faire dans un embouteillage, vu le temps que vous y passez. Et. en mangeant des cannelés, en buvant du vin. Tu te fais courser pendant 10 chapitres par des gardes, et il y a un moment, tu trouves un garde qui est à terre et qui est en faiblesse. C'est quoi? C'est un jeu d'espion comme Splinter Cell, ça se passe de nos jours et tout? C'est quoi? Non, ça se passe plutôt en 1340. Attends, je t'explique le jeu. Je te raconte ma frustration. Vas-y. Je trouve un garde qui est à terre alors que je me fais courser depuis 10 chapitres. Mais j'ai mis sa mère au garde. Et là, les trophées, ils ont dit ah bah non. Non, fallait le laisser tranquille. Pas de bol, désolé. Recommence le chapitre. Reboot. Ah non. Reprends un checkpoint. En fait, A Plague Tale, c'est un jeu. Alors, je l'ai appris à la grande fierté de Mister Hyundai ici présent. C'est un jeu de type régional, puisqu'il a été fait par des gens de Bordeaux, visiblement. Ouais, c'est un studio bordelais qui a développé ce jeu et qui a d'ailleurs été récompensé pour ce jeu. Je ne sais plus quelle récompense, mais il a eu une bonne récompense. Ce serait intéressant de fact-checker. Mais. Mais là, on peut pas en parler. C'est vrai, excusez-moi, pardon. Est-ce qu'on voit Alain Juppé dans le jeu? Est-ce qu'on peut jouer Alain Juppé? Ah, écoute, t'es coursé par des nuées de rats en permanence. Donc, est-ce qu'il y a une sorte d'image ou pas? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? En fait, A Plague Tale, ça se passe en 1341, dans une période où dans le sud de la France, dans une période où on est en guerre contre les Anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a une pandémie. Et qui dit, évidemment, pandémie et puis le système sanitaire de l'époque. Attestation de sortie. Ah non, évidemment. Sinon, tu te fais courser par les rats. Donc, il y a des rats partout. Et en fait, le système du jeu, tel qu'il avait été vendu et présenté en promo, c'était que tu devais évoluer dans un monde où tu étais en permanence encerclé par des rats, que tu avais... La lumière, en fait, fait fuir les rats. Mais quand tu es dans la lumière, les gardes peuvent te repérer. Et donc, il fallait que tu sois dans l'ombre. Mais dans l'ombre, les gardes ne te repèrent pas, mais c'est les rats qui peuvent te buter. Donc, il fallait que tu réussisses à évoluer dans cette ambiance très chaleureuse et chatoyante du 14e siècle. Quoi. On dirait une allégorie des élections présidentielles. Quoi que tu choisisses, ça va être la merde, en fait. Donc, et il y aura des rats tout autour qui gravitent. En fait, le jeu te met assez dans l'ambiance dès le début, puisque c'est une vidéo que je vous ai fait vite fait en privé. Quand tu arrives sur le menu du jeu, tu es face à une fenêtre et il y a des rats qui grouillent partout. Quand tu valides le lancement du jeu, il y a une lumière qui arrive, donc les rats ont peur de la lumière, ils s'écartent, et tu te rends compte que les rats qui sont là depuis le début de ton chargement de jeu sont en fait en train de manger un cadavre qui est lui-même à terre. Chers amis, bienvenue. Le jeu est très et sympa. Bon appétit. Le jeu est très sympa, il s'attarde sur les personnages. Du coup, tu joues une ado que peut-être 15 ans, un truc comme ça, et qui doit s'enfuir d'un château parce que son petit frère est coursé par l'Inquisition. Et donc, c'est une sorte de fuite en avant en permanence avec des gardes au cul. Mais tu es embêté par deux choses. D'abord, c'est des gamins lambda. Donc, tu vas pas grimper aux arbres, tu vas pas faire de cascades, tu vas pas te battre comme un forcené contre des gardes. Et en plus, tu es en permanence ralenti par ce petit frère à qui tu dois donner la main, sinon il panique. Et quand il y a un système de commande qui fait que tu peux donner des ordres à d'autres personnages. Quand tu vas demander à ton petit frère de t'attendre à un endroit pour gagner un peu en souplesse, tu peux pas trop t'éloigner. Parce que sinon, lui, il a peur et il t'appelle. Et évidemment, s'il t'appelle, les gardes entendent et ils se radinent. Et donc, c'est un jeu qui est dans une sorte de pression permanente où t'es entre les rats, moi, ouais, les gardes et tout ça. Et alors, le jeu est hyper court. Là, je l'ai pris en promo. Ça fait longtemps que j'en entendais parler. Je voulais vraiment le faire. Il y avait une promo, il était à 15 balles. Donc, je l'ai pris. Je l'ai fait sur un week-end. J'ai joué à moins de 11 heures pour terminer la trame principale. En fait, il est très très attaché à la narration et à la façon dont on te raconte l'histoire, à la façon dont pendant que t'es en train de... Tu te fais courser, tu passes un petit ponton, le ponton s'écroule, les ennemis sont de l'autre côté, du coup t'es un peu en sécurité. Et là, t'es dans cette période de stress et ton petit frère te lâche la main parce qu'il a trouvé une fleur par terre et il va d'un seul coup, ah, papillon! Et tu reviens. Mais il est complètement con! Tu reviens dans un truc d'insouciance comme ça en permanence. C'est très. Il y a beaucoup d'attachement à la personnalité des personnages, à la façon dont ça te raconte l'histoire. Et techniquement, il y a plein de mécaniques qui ont peut-être un peu vieilli. Mais pour 1,50€ de l'heure, eh ben, ça marche très bien et ça t'occupe un week-end. Et j'ai plutôt passé un bon moment avec ce jeu-là. Et tu parlais de la quête principale, il y a des choses à faire à côté du coup ? Alors il y a des... La quête principale en gros, quand je dis que c'est un peu vieilli, c'est que grosso modo c'est un couloir un peu habillé. C'est pas un open world, t'as pas le choix, il va falloir suivre le couloir et trouver comment passer les différentes épreuves. Après, si tu regardes bien, dans les villes, il y a toujours une petite ruelle un peu dans l'ombre. Si tu vas dans la ruelle, tu vas trouver soit une fleur qui traîne et donc t'as une quinzaine de fleurs à collecter, soit un petit objet à trouver. Donc ouais, oui, il y a une cinquantaine de collectibles que tu peux aller chercher. Et puis il y a aussi des ressources que tu vas pouvoir collecter pour augmenter un peu le nombre de munitions que tu peux porter, pour augmenter un peu la puissance de ton arme principale qui est une sorte de fronde, pour augmenter un peu tes personnages. Mais c'est vrai que c'est assez léger et que en termes de rejouabilité, en fait le jeu est quand même hyper lent dans sa narration, dans tout ça. Quand t'es plongé dedans et que tu fais la trame, que tu fais la découverte, c'est assez sympa. S'il faut le relancer après avoir fait la première passe sur le jeu, s'il faut le relancer pour aller chercher tous ces collectibles, je pense que c'est un peu trop redondant, quoi. Si tu viens de le faire, tu vois, c'est compliqué de te replonger dans un truc où il y a quand même toute une partie qui est très scriptée et où c'est un peu quand même de la cinématique habillée. Mais il y a des trucs genre quand tu sors du premier endroit un peu stressant et que tu réussis à t'en sortir, tu te retrouves dans des vignes, t'es encore un peu chassé par des gardes et là ton petit frère va se cacher et c'est une partie de cache-cache qui commence et donc t'as les gardes au cul et en même temps t'es en panique. Reviens. Et si tu le trouves pas, il finit par revenir tout seul. Si tu le trouves, tu gagnes un trophée par exemple. Mais voilà, en permanence, t'es rattrapé par des trucs de la vraie vie. En fait, toi, t'es dans ta tension de joueur, mais le gamin qui est devant toi, ça reste un gamin comme les autres. Il y a cette puissance d'écriture qui est très bien, très intéressante et qui m'a beaucoup plu. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il a reçu pas mal de prix. Il a reçu 6 prix lors de la première cérémonie des Pégases en mars dernier, en mars 2020. Donc, si vous écoutez cette émission en 2032. Donc, il a reçu 6 prix. Grosse consécration pour le titre. Après, je sais que les Pégases ont eu mauvaise réputation quand ça a été lancé. Donc, après, ça reste... Mais effectivement, ouais, mais bon, ça reste un chevalier. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste un chevalier quand même. Bon, c'est ça. Respectable. Mais du coup, il a eu pas mal de prix pendant au Pégase 2020 en tout cas. Absolument. Voilou. Mais écoute, pour un petit week-end à 15 balles, quand on est confiné et qu'il pleut, ça marche tout à fait. Ouais, ça me stressera trop. Moi, j'aimerais bien tester, mais en vrai. Et si vous êtes friand de voix, de VF et tout, il y a énormément de comédiens qui ont prêté leur voix pour ce jeu, qui sont des comédiens que vous avez entendus dans d'autres trucs. Et donc vous pouvez aussi suivre le jeu en disant « Putain mais attends, de quoi j'ai entendu ? C'est la façon de voir de quel personnage ? Ça ! Attends, je le connais ! Le père c'est qui là ? C'est Tom Cruise ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la gamine là ! Ah mais oui ! J'ai entendu ailleurs ! Il y a Féodor Atkin, la voix de Dr House et de Jafar notamment. Trop bien, ok. Oui effectivement. Et du coup, j'ai passé mon temps dans le jeu à mettre pause en disant attends, où est-ce que je l'ai entendu ? Où est-ce que putain, je la connais, c'est qui ? Ça a peut-être rallongé ma durée de vie du jeu. Ah oui, OK. Il y a Bernard Gabay qui a fait la voix de Viggo Mortensen, Gary Sinise, tout ça. Robert Downey Jr aussi évidemment. Trop bien. Voilà. Et bien du coup, c'est bien. Et ça a bien vie. Donc en plus c'est court. Donc soit tu fais ça d'abord et après tu fais le Splinter Cell de Yanda, soit tu fais Splinter Cell et après pour te détendre un peu tu fais cette invasion de rats. Si t'as besoin de te détendre un peu, ouais, pour bien se faire kiffer. T'as pas de nouvelles de ton araignée, Val? Elle a pas pondu dans l'aspirateur? Non, ça va. Alors il y a mon plombier qui doit passer demain matin, donc j'ai dû bouger mon aspirateur qui se trouve sous ma chaudière. Que t'as pas bougé depuis 3 mois du coup ? Que j'ai pas bougé depuis 6 mois. Et donc là je l'ai mis sur mon balcon. J'ai pas entendu frapper à l'intérieur. Je pense qu'elle est morte, j'espère. Voilà, en tout cas je... Elle attend, elle est comme Sam Fisher. Elle est accrochée au plafond. Au plafond de l'aspirateur. Avec les pattes écartées. Au plafond de l'aspirateur c'est possible. En tout cas pas au plafond du placard à chaudière. Puisque j'ai effectivement, mon premier réflexe c'était de regarder au plafond, voir si elle s'était pas échappée, pour se mettre en mode Splinter Cell au plafond absolument. D'ailleurs j'ai une blague avec Splinter Cell, enfin une blague de la vie du... Un jour au taf, la lumière était en panne et donc j'avais envoyé un mail à mes supérieurs hiérarchiques que j'avais intitulé Sam Fisher. À Ikea, tu veux dire ? Oui, voilà, bah oui, à mes chefs chez Ikea. Et les mecs n'avaient pas du tout compris la ref, voilà. Tristesse. Fin de la blague, ouais, bah j'étais très fier de moi pourtant, mais bon, c'est comme ça, des fois on passe à côté. Bah si on n'a pas la ref, des fois c'est pas très rigolo, tu vois. C'est pour ça ? Ils avaient pas la ref ? T'aurais dû mettre un gif de Sam Fisher, peut-être qu'ils auraient eu la ref. Ça aurait peut-être comme ça. Ok. Là, tu rigoles pas parce que t'as pas la ref, par exemple. Je t'avoue que moi, je l'ai pas non plus. Moi, j'ai cru que c'était une mauvaise transition. Je lui dis, ah, il essaye de nous faire aller vers un truc. J'ai cherché, je dis non, je vois pas. Et hop, c'est ce qui s'appelle le ventre mou du podcast. C'est maintenant. Maintenant, on va plus savoir trop quoi dire pendant quelques minutes avant de retomber sur les gens sont barrés, là, au bout d'une heure, ils sont barrés. C'est pas le ventre mou, c'est le moment où on a un quiz de Valentin, normalement. Ah oui, et tu sais que j'ai failli en faire un. Et puis qu'au final, j'ai pas fait. Et puis, pas de bol. Ouais. Et puis, pas de bol. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de quiz dans cette émission. Promis. Non, mais je vais m'y remettre. Je vais essayer de faire un point. Il a changé. Hein. Ça me manque aussi. Et je sais que le public est demandeur de quiz. Il est friand. Je sais que le public attend. Mais faut juste que j'arrive à contacter certaines personnes parce que je sais plus où il en est, Patrus, en ce moment, s'il est en prison ou quoi, mais il faut que je vois s'il peut revenir. Visiblement, Isabelle a besoin de croquer, hein, d'après ses dernières déclarations. Elle veut voir son homme, Isabelle. Hein. D'ailleurs, ce podcast a été monté pendant le premier confinement, car c'était une porte ouverte sur le Lampe Torche Verse. Avec le nouveau confinement, il va falloir qu'on rouvre la porte vers cet univers merveilleux qu'est le Lampe Torche Verse. Mais oui. Mais avant de s'ouvrir à un autre univers, là, la transition Val. Avant de s'ouvrir à un autre univers, il faudrait d'abord qu'on fasse pas de conneries sanitaires, s'assurer qu'on a un peu tous notre test PCR. Est-ce que vous avez fait votre test PCR ? Ah ! Non, parce que j'ai pas eu de comportement à risque ni de symptômes, donc du coup, je n'en ai pas fait. J'ai pas non plus suivi le gouvernement, j'ai été un mauvais élève, j'ai pas installé l'appli Stop Covid. Tous Anti Covid. Ouais. Stop Covid c'était l'appli nul et Tous Anti Covid c'est l'appli bien, si j'ai bien compris le gouvernement. C'est ce que nous a dit Mister Yanda, moi c'est pour ça que j'ai installé évidemment cette application Tous Anti-Covid. Du coup j'ai pas fait non plus de test PCR pour l'instant, parce que d'abord se mettre des cotons-tiges dans des orifices à part les oreilles, c'est pas tellement ma cam. Et puis en plus, comme j'ai pas eu de notification qui dit vous avez été en contact avec une personne dangereuse, et que globalement je suis tout seul chez moi depuis 2 ans, je me dis que j'ai pas vraiment besoin de... Ceci est un appel à l'aide. Mon adresse s'affiche en bas de votre écran. Venez avec des pépitos et des préservatifs. Du coup, je me suis dit que c'était pas non plus la peine de, pour l'instant, de faire mon petit PCR tranquille dans mon coin. Mais elle est bien ou elle est pas bien cette appli alors ? Qui pourrait nous parler de cette application ? Ah là là. Eh ben, je vais essayer de t'entendre depuis mes toilettes car j'ai fort envie d'uriner. Allez, vas-y, parlez fort. Alors déjà. Première chose, je ne t'ai jamais incité à aller récupérer cette application, que ça soit Stop Covid ou Tous Anti Covid. Je me désolidarise complètement de votre affirmation précédente, mon cher Mathieu. Je veux dire, voilà. Encore Chris, quand il bossait à la Fnac, il aurait pu le faire, mais là aujourd'hui, non, c'est Chris, c'était un salopard. Il bossait chez Bouygues Télécom, il préinstallait l'application Tous Anti Covid sur le téléphone qu'il vendait aux clients. Ah, c'est vrai. C'est vrai que t'as fait ça. Mais là, depuis que chez Leclerc, j'ai dû emballer tous les rayons téléphone dans du cellophane pour pas que les gens achètent ça, puisque c'est pas considéré comme un produit de première nécessité. J'en ai un peu marre des téléphones. En ce moment, je suis un peu à saturation. Je comprends. Vivement la 5G. Ouais. Du coup, alors Tous Anti Covid, le problème de cette application, bon, il y en a plein. C'est l'intention est louable. L'intention est hyper louable d'avoir une application. Enfin, ça fait partie. La France, comme plein d'autres pays, a eu cette initiative de numériser un peu la démarche contre la lutte contre pour cette pandémie. Attends, c'est la lutte contre ou pour cette pandémie? Pour. Parce que moi, je veux bien lutter contre la pandémie, mais lutter pour la pandémie, je suis pas méga chaud non plus. Bon, ben alors, on va lutter contre, alors. Mais ça a été un des soucis, ça a été que la France, notamment, a fait le forcing pour utiliser son protocole, qui a été donc mis en place et lancé par un institut français qui s'appelle l'INRA. Et là a été un des premiers problèmes relatif du coup au fonctionnement de cette application. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que ça va être long, chiant et pas forcément hyper intéressant. En gros, comme tous les protocoles français développés par l'État, ça marche pendant les heures de bureau. la semaine. Alors ouais, si on veut. En fait, il y a eu donc au moment où il a été question de développer un outil pour lutter contre la propagation de cette pandémie, ça a été un petit peu la course pour tout le monde et la France est rentrée dans le game et assez rapidement a développé donc son propre protocole qui est le protocole Robert. Ou le protocole. Oh merde, je savais pas véridique, ça. Ouais, véridique. Ou, ah merde. Ou vraiment, ou sinon on peut l'appeler le protocole Robert. Robert, c'est bien. Ouais, Robert, Robert, c'est bien. J'ai plus l'acronyme, alors c'est robuste. Attends, je vais fact-checker. Merci. Vous savez qu'il y a des mecs de chez Google qui analysent l'historique de Valentin et qui vont le voir taper dans un moteur de recherche protocole Robert. Mais non, ils ne verront pas puisqu'ils utilisent Brave. Ils vont te sortir un proctologue qui s'appelle Robert. Alors, petite attends, faute de frappe. Robust and Privacy, merde, je l'avais presque. Ouais. Ouais. Et alors, ça y est. Robust, donc R-O-B en majuscule et U-S-T après en minuscule. Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing. Vous vous dites, ça ne fait pas Robert, absolument. Parce qu'ils ont mis Rob, R-O-B en majuscule. Et le Preserving, il est E-R de Preserving en majuscule aussi. Et le Tracing, lui, le T est en majuscule. Donc en fait, ils ont pris des lettres au hasard pour que ça fasse un acronyme. C'est ce qui n'a absolument aucun sens. C'est vraiment les rois. C'est une partie de Bogle qui a mal tourné, en fait. C'est un peu ça. Ah, c'est juste parfait. Putain, je savais pas ça. Ça fait ma soirée, quoi. Voilà, c'est trop bien. Ravi. Et en fait, alors ce que l'ensemble des différents protocoles développés par les différents organismes ont en commun, c'est effectivement ce côté anonyme. Et alors sur ce point de anonyme, il faut mettre quand même certains guillemets de rigueur, mais je vais y revenir. Et on passe par le Bluetooth. Qui est une technologie qui facilite justement l'anonymisation parce que tu peux récupérer des infos sans avoir besoin d'avoir accès à des coordonnées GPS, etc. etc. Du coup, donc, on a le protocole français, le protocole Robert, qui avait son fonctionnement. Il y a eu un autre... l'Allemagne a commencé à faire des recherches avec la France avant de rapidement bifurquer vers son propre truc. Il y a eu le un protocole autre... Hans. Hein? Le protocole Hans. Peut-être bien, ouais, je ne sais plus. Gunther. J'ai pas le nom. Ou Gunther. Ouais, Gunther, ouais. Il y a eu un autre protocole qui est le protocole DP3T ou DPT3, je ne sais plus exactement. Et, attends, je vais trouver ça. Je vous en prie. Et un autre protocole qui a été développé conjointement par Google et Apple. Et est mis à disposition de l'ensemble des États ou entités qui souhaiteraient l'utiliser. DP3T, absolument, il y a un protocole PACT aussi, PACT. Voilà. Apparemment. Bref. Et donc, en fait, la principale différence qui va être entre ces différents protocoles, ils fonctionnent tous avec le tracing par Bluetooth, qui consiste donc à avoir ton application installée sur le téléphone, allumée, et qui va récupérer lors de. Comment dire? De passage d'une autre personne qui Quand a elle croises, aussi son voilà. application. Activé, les deux appareils en Bluetooth vont être à distance suffisante pour communiquer entre eux et au bout d'un certain temps d'exposition, ils vont enregistrer leurs échanges. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne en fait, pourquoi c'est anonyme et pourquoi c'est vendu et présenté comme étant anonyme ? Parce qu'en fait, à aucun moment tu n'as besoin de saisir des coordonnées personnelles, nom, prénom, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu installes l'application et que tu l'actives, alors, dans le cadre du protocole Robert, qui est un protocole centralisé, tu as donc un serveur plusieurs, mais en tout cas un serveur, qui centralise l'ensemble des informations. Donc ce qui se passe avec le protocole Robert et donc avec l'application Tous Anti-Covid, c'est que quand tu l'installes et que tu l'actives, ton téléphone envoie une requête au serveur de l'application Tous Anti-Covid en disant « Bonjour, je suis un nouveau téléphone, est-ce que je pourrais avoir un identifiant unique s'il vous plaît ?» Et là, le serveur te répond en te donnant ce qu'on appelle un token, qui est une chaîne de caractères aléatoire et unique, en disant « Bah tiens, à partir de maintenant, toi, téléphone, tu seras reconnu auprès de notre serveur de données comme étant la machine XW3TY, machin, blablabla. Voilà. » À partir de là, tous les téléphones fonctionnent comme ça. Et en fait, tous les jours, ton téléphone va envoyer au serveur l'ensemble des listes de tokens qu'il aura récupérés par les appareils avec lesquels tu auras été en contact. Et à l'inverse, lorsque une personne se signale comme ayant été diagnostiquée positive, ben ça fait pareil, ça envoie au serveur l'action d'avoir été diagnostiqué positif. Le serveur va récupérer dans un délai de 14 jours l'ensemble des identifiants d'appareils rattachés à ce téléphone pour leur envoyer une notification. Donc en fait, dans ce protocole Robert qui est centralisé, tout passe par un serveur, toutes les données transitent par un seul serveur et c'est pas très cool parce que même si c'est vendu comme étant la souveraineté des données et que c'est un serveur qui est a priori en France, ça pose quand même des problèmes justement de comment dire, de pas de monopole, mais c'est un peu ça quoi, de centralisation. De centralisation, ça a des impacts et des conséquences qui peuvent être assez problématiques en termes de sécurité notamment. Les autres protocoles, très con. Oui. Il n'y a pas de question con. On sait que contrairement à Chris, tu ne développes pas des applications pour le gouvernement français. Comment est-ce que tu as fini par savoir comment ça fonctionne en fait? Comment tu sais précisément comment ce truc-là fonctionne? Il y a de la documentation? Ouais. Alors, le code est censé être libre, non? Oui, en plus, le code de l'application Tous Anti-Covid. Et ça, c'est une bonne chose. Non, mais je suis d'accord. Parce que c'était pas le cas. Ouais, pardon. Est-ce que c'était le cas pour la première? Je suis pas sûr, si. Je crois aussi que ça l'a été. C'était libre aussi, ouais. Ça l'a été aussi, puisqu'il y avait eu pas mal d'alertes émises par beaucoup de communautés de développeurs qui avaient justement eu visu sur le code et qui avaient dit ça, voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est ça qui me semblait, ouais. Mais le code a beau être libre, enfin, c'est comme les conditions générales d'utilisation de Facebook ou d'iTunes, elles sont devant toi et pourtant personne les lit. Enfin, Yanda, à quel moment tu lis ça en fait? Parce que moi je lis des comics au cabinet. Enfin, à quel moment est-ce que tu dis tiens, je vais analyser le fonctionnement du code de l'application du gouvernement? Après, je suis pas allé détailler le code source de l'application ou de Tous Anti-Covid ou de n'importe quel autre. Putain, on est des professionnels ou pas? Merde. Ouais, je suis désolé. Mais je me suis renseigné sur justement ces histoires de protocoles et tout parce que je me suis dit comment ça marche en fait. Par curiosité bête et méchante, je me suis dit ok, allons-y. Qu'est-ce qui a été fait dans les grandes lignes et comment ça marche? Eh ben, tu te marres pendant tes temps libres, toi. Hein. Ouais, n'est-ce pas? Mais là où j'ai trouvé le truc rigolo, c'est que notamment le protocole développé conjointement par Google et Apple, ce qui est quand même assez intéressant à signaler, lui c'est un protocole qui est décentralisé. C'est-à-dire que donc à l'inverse, en fait, les informations restent stockées sur le téléphone de la personne. Et c'est uniquement lorsque tu te signales comme étant diagnostiqué positif, que là, le téléphone va envoyer au serveur la liste des personnes à notifier, avec le biais des identifiants. Donc en fait, la seule action que va faire ton téléphone tous les jours, c'est juste de remonter, non pas les listes des gens, mais juste ton identifiant. Tu es en train de dire que le protocole français serait moins safe en termes d'utilisation de données que le protocole de Google et d'Apple? Alors, c'est vrai que c'est ironique. Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que juste se baser sur le principe de centralisation ou de décentralisation pour déterminer qu'une application est safe ou pas, c'est trop peu. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, j'ai effectivement plus d'affinité, on va dire, avec des processus. Il a du mal à dire confiance. Décentralisé. je préfère l'approche décentralisée que l'approche centralisée. parce que même si effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est présenté comme étant anonyme, le Bluetooth, de par ses caractéristiques techniques, bah il y a des choses qui font que en fait chaque appareil a un traitement du Bluetooth qui est différent. Et en fait, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le principe du Bluetooth fonctionne par un échange de ce qu'on appelle des paquets, qui sont donc des petits bouts de données. Et en fait, dans le Bluetooth et dans les paquets de Bluetooth, chaque appareil a sa propre signature dans les paquets. Donc techniquement, déjà, je suis en mesure, lorsque j'envoie une information en Bluetooth, ouais, de savoir avec quel appareil ou quel type d'appareil elle a été envoyée. Et après, de la même façon, en fait, tu as des possibilités techniques qui sont expliquées sur le net. Il y a des associations qui ont fait des communiqués pour dire attention, le Bluetooth c'est bien, mais c'est pas non plus fifou, justement pour aller un peu à l'inverse de ce qui était prétendu comme étant voilà une application anonyme, safe, on ne veut pas de vos données, etc. Certes, et c'est, on en revient encore aux utilisations de données classiques, on ne prend pas tes données en tant que telles. Par contre, en termes de métadonnées, ce qui est transmis par le Bluetooth, ça peut dire énormément de choses. Et on peut arriver après à des process où on arrive à reconstituer ce qu'on appelle des graphes sociaux, qui est comme Facebook. En fait, on peut voir les interactions que tu as eues avec tel type de personne et donc reconstituer un petit peu ton graphe social et les interactions que tu as avec quelle personne, quand, etc. etc. Et là, ça pose un peu plus de soucis en termes de vie privée. Est-ce que du coup, si c'est un peu open comme ça, on pourrait utiliser un... Maintenant que les Bluetooth de tout le monde sont ouverts pour utiliser l'application Stop Covid, est-ce qu'on pourrait leur pusher des liens, par exemple, pour des liens affiliés pour des canapés ou pour écouter les staminaires, tout ce genre de trucs? Est-ce qu'on pourrait se servir de ça? S'ils ont l'application d'Active, alors après, le Bluetooth demande quand même, nécessite des autorisations et des activations pour pouvoir communiquer. Par exemple, quand tu installes l'application Tous Anti-Covid, ça te demande une autorisation explicite pour que la machine communique via le Bluetooth avec cette application. Sinon, de base, ça le fait pas. D'ailleurs, il y a un fait qui est rigolo, c'est que sur les appareils Android uniquement, lorsque tu installes l'application Tous Anti-Covid, ça demande une autorisation de l'application pour accéder à tes coordonnées GPS. Pourquoi faire ? Il paraît que c'est une contrainte de l'OS, puisque l'application à aucun moment n'utilise ou n'a besoin de tes coordonnées GPS, mais il semblerait que ça soit obligatoire, donc c'est pour ça que ça l'est. Mais bon, après, dans l'état, voilà. Moi, j'ai entendu des gens importants de la nation, de l'État, hein, des représentants du gouvernement, nous dire que, en plus, c'était bien parce que pour une fois, c'était moins galère, si t'as besoin de sortir, l'attestation de déplacement était directement dans l'appli. Et ça, quand même, c'est pratique. Enfin, tu peux pas dire le contraire. Parce qu'avant, c'était relou, fallait imprimer des papiers, tout ça. Si tu l'as dans l'appli, c'est bien. Bah, c'est pratique si c'était vrai. C'est vrai sans être vrai. Tu peux effectivement récupérer une attestation. Et d'ailleurs, justement, c'est cette partie-là de l'application que Chris a développée, donc il pourrait en parler. Mais, tu peux récupérer une attestation via l'application, sauf qu'elle n'est pas générée par l'attestation en elle-même. En fait, dans l'application, c'est juste un lien qui te ramène vers le site du gouvernement pour te permettre de télécharger l'attestation. Donc, alors, je n'ai pas été vérifié, mais je crois que ça a été changé. Alors, il y a eu une mise à jour qui a été faite sur l'application. Ouais, voilà. Sur le, j'ai lu ça ce matin vite fait, j'ai pas eu le temps de détailler parce que voilà, j'avais trop de boulot au cinéma. Mais voilà. En fait, ce qui a été fait en mise à jour sur le site, alors je sais pas si ça a été répercuté via l'application, mais peut-être, c'est qu'en fait, il y a pas mal de développeurs qui ont mis à disposition des petits scripts qui permettent, en fait, parce qu'il y a un truc qui est assez chiant lorsque c'est comme sur Steam, en fait, il y a des modes, tu peux custom ouais, le jeu, c'est cool et tout. Ça. C'est un peu ça, en fait, parce que quand tu vas sur le site du gouvernement pour générer une attestation, il faut qu'à chaque fois tu remplisses nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, date et heure de sortie, le motif, etc. Et c'est chiant de le refaire à chaque fois. Donc, taille du membre viril, tout ça, c'est exactement, très compliqué. Exactement. Moi, on m'a demandé mon IBAN aussi. mon code BIC pour ma banque. C'est normal? Ouais, c'est tout à fait normal. Alors j'ai donné, hein. Bah t'as bien fait. Puis c'est mon toujours, mot de passe PayPal aussi, on m'a demandé. C'est toujours ce qu'il faut faire. Oui, ça c'est pour éviter d'être facturé des 12 euros annuels, donc c'est normal. Ah, d'accord. mais du coup, il y a donc des devs qui ont mis au point des petits scripts qui sont tout simples à faire, mais qui sont quand même vachement utiles, qui permettent que lorsque tu remplis une fois l'attestation, bah, ton téléphone ou ton ordinateur va garder ces informations-là en mémoire en local sur ta machine, de sorte à ce que lorsque tu reviens sur le site du gouvernement, ces champs-là seront automatiquement pré-remplis. Et ça te fait gagner du temps, et c'est plus simple. Bah ça a été mis à jour, et maintenant ils ont rajouté entre autres une petite case à cocher disant bah, cette machine, cet ordinateur ou ce téléphone se souvient de moi, et donc ça garde en mémoire tes informations de sorte à ce que tu n'aies pas à tout re-remplir lorsque tu viens générer ton attestation. Bonjour Matt, c'est la quatrième fois que tu vas faire des courses aujourd'hui. Es-tu oui. certain que cette activité soit totalement compatible avec le confinement actuel? Oui Mathieu, oui, des courses. J'achète que de l'alcool, donc c'est bon, ça rapporte beaucoup en taxes. C'est vraiment essentiel. Mais après, le principal frein de cette application, bah, c'est l'utilisation, parce que forcément, plus on sera nombreux à l'utiliser, mieux elle marchera. Sauf que c'est très compliqué de faire adopter cette application-là, d'autant que le protocole Robert ayant fait le forcing vis-à-vis de Google et Apple, on n'a pas la possibilité de faire tourner l'application en tâche de fond et à ce qu'elle puisse communiquer en Bluetooth. T'es obligé d'avoir l'application active et allumée. Et ça, c'est très chiant. Pourquoi c'est très chiant? Ça change quoi? Bah, ça change que si t'as envie de te servir de ton téléphone, t'es obligé de couper l'appli, en fait. Écoute, moi je l'ai pas installé parce que tu m'as expliqué qu'il fallait pas le faire, mais si jamais non, je l'avais installé et que j'avais un téléphone comme le mien, je pourrais te dire qu'elle tourne en tâche de fond et qu'elle ne m'empêche pas d'utiliser mon téléphone. Non. Alors oui, non, elle va pas t'empêcher. Par contre, elle fonctionne plus. Elle ne captera pas les éventuels. Mais c'est complètement con. Bah, elle est activée. Il y a la petite icône en haut. Je peux pas la killer comme je kill les autres applis, par exemple. Elle reste active en tâche de fond, quoi. Mm-hmm. Mais pas le Bluetooth. Bah, le Bluetooth, il est activé. J'utilise mon casque pour écouter le Blood on Gang. Alors, forcément. Non, mais c'est sur l'échange de data. Il y a une sécurité. Alors pas matériel mais OS qui fait que les applications okay. en tâche de fond ne peuvent pas utiliser le Bluetooth pour échanger de la data. Donc l'appli elle me bolosse, elle me dit en permanence avec sa petite notification merci de participer à la lutte contre la propagation de la Covid-19 avec le message tous anti-Covid est activé, mais c'est pas vrai. Oui. Et tu me fais passer pour un con devant tout le monde. Mais non, non, je suis navré. Non, mais ça a été l'issue d'un gros bras de fer c'est débile. Parce que la France notamment au moment de son protocole de la publication de ce protocole Robert a demandé à taper du poing sur la table auprès de Google et Apple en disant vous allez s'il vous plaît, faire une mise à jour de vos OS tout de suite. Ah, ils ont dit s'il vous plaît quand même. Au début, oui. Puis après, ils ont dit oh, écoute-moi bien. La France, c'est quand même le pays de la politesse, je veux dire. On n'est pas les Russes. Hein. Voilà. Bah, voilà, dis veuillez payer vos impôts s'il vous plaît. C'est ça. Forcément, ça a plus de poids, quoi. Bon, on veut bien laisser François de côté. François Fillon rend l'argent s'il te plaît. Mais enfin, Google et Apple, on rit. Au nez de l'État français quand ils ont demandé à ce qu'il y ait une mise à jour de fait pour que le protocole Robert puisse utiliser le Bluetooth en tâche de fond. Ils ont dit non, nous on est en train de développer notre protocole, donc si vous voulez vous faites comme beaucoup d'autres États, vous utilisez notre protocole sur lequel vous venez faire votre surcouche et vous y faites ce que vous voulez pour vous en servir. Nous, avec notre protocole, on nous autorise l'utilisation du Bluetooth en tâche de fond, pour les autres, c'est mort. Et la France a dit, oui, ah bon, vous allez céder, moi je vous le dis. Ils ont dit, non, c'est écoutez-moi la France bien. Du lampe torche verse. Écoutez-moi bien. Et là j'arrive dans mon téléphone, il y a déjà une appli assiste à ma place. Il y avait déjà Google à ma place, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont fini par dire, bon c'est pas très gentil quand même. Hein. Et puis voilà. Mais ils ont raison, c'était pas très gentil. C'était pas très gentil, mais... Bah quand même. Et quand tu dis que Google et Apple ont bien ri au nez du gouvernement français, est-ce qu'ils portaient leur masque, rapport aux gestes barrières? Je ne pense pas, au vu du taux d'adoption du masque outre-Atlantique, je ne suis pas persuadé, étant donné que ça porte atteinte à leur liberté propre et à leur liberté de respirer l'air qui leur est mis à disposition par leur seigneur, je suis pas sûr. Non mais est-ce qu'on peut quand même dire que le vrai problème de cette appli, c'est que de toute façon, en bout de chaîne, c'est le facteur humain qui va décider, puisque c'est à toi de te signaler si tu étais contaminé. Admettons que tu aies cette application, mais que comme 99% des gens, tu ne respectes rien, tu portes ton masque sous. Moi, j'ai découvert qu'il y a des gens qui avaient des branchies avec le Covid, puisque les mecs portent le masque sous le menton. Donc voilà, mon avis respire par là. Je veux dire. Il faut quand même que tu fasses la démarche d'aller te signaler comme ayant été malade. Si tu as croisé des gens malades qui ne se signalent pas, ça n'a donc aucun intérêt. Et puis après, il faut quand même que les gens aillent au bout de la démarche. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont installer l'appli et qui vont pas aller au bout du truc, tu vois. Ça fait quand même 80 ans qu'on apprend aux Français à dénoncer leurs voisins. Et là, il faut se dénoncer eux-mêmes et ils vont pas être capables de le faire. Et après, t'as plein d'utilisations biaisées. De ce système et de cette application qui peuvent poser des problèmes, notamment, tu vois, par exemple, dans le cadre de discrimination à l'embauche. Alors, pas maintenant parce qu'il y avait le confinement, mais hors confinement, tu peux très bien, toi, en tant que RH, avoir 4 ou 5 téléphones à dispo. Tu reçois les candidats, tu allumes un téléphone spécifique pour le candidat et tu lances l'application et tu l'actives. Et puis après, bah, t'attends 14 jours. Et si l'appli sonne, ça veut dire que le mec, potentiellement, il a été contaminé. Donc, bah bon, on va pas l'embaucher, quoi. De la même façon, t'es dans ton immeuble et t'as envie de savoir s'il y a des gens qui ont été contaminés dans ton immeuble, et ben, tu fous un téléphone avec l'application activée dans ta boîte aux lettres, et puis tu viens le récupérer tous les jours. Et puis, bah, si le téléphone il sonne, c'est qu'il y a quelqu'un de ton immeuble qui a été déclaré positif ou contaminé. Et tout ça, ça pose des problèmes en termes, bah, toujours pareil, de vie privée. Toi, t'as joué de... à Splinter Cell. Yonda, il était au-dessus des boîtes aux lettres. C'est genre en X comme ça dans le hall. Avec le taser et quand les gens passent. Il y a la meuf du cinquième qui tousse. Mais donc c'est en ça que les détournements possibles de l'utilisation posent des soucis sur la vie privée et la confidentialité. Mais ça, c'est inhérent au système même. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est inhérent au téléphone portable en eux-mêmes, en fait, déjà, de base. À partir de là, voilà, quoi. C'est le... Ça, tu peux pas y échapper. Mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête, quoi. Du coup, toi, tu l'as installé ou pas? Non. Ce sera notre maître étalon, en fait, pour savoir s'il faut s'en servir. Non, non, grosse responsabilité. Là. Je l'ai pas installé. Après, quand je vois le temps qu'il a fallu à notre Premier ministre pour le faire, je me dis que j'ai encore un peu de marge. Donc ça va. Tu vois moins de monde que lui ? Oui, je vois très peu de monde. Moi, tu sais, moi je suis chez moi, je suis enfermé. Là, d'ailleurs, il faudrait que j'aère un petit peu demain. J'essaye de sortir le moins possible et de voir le moins de gens. Le confinement est une bonne excuse pour justifier mon insociabilité. Donc c'est parfait. C'est pas de la sociabilité pour des gens comme nous, c'est plutôt le problème de la célébrité. C'est-à-dire que vous n'avez jamais essayé de faire vos courses de façon tranquille quand vous avez une aura comme la nôtre. Enfin, t'es tranquille, t'hésites entre la Lotte ou le Colin surgelé chez Cora. Il y a des Cora chez vous? Non. Et du coup... Il y en a à Caen, ouais, ça existe. Je crois qu'il y a un Cora à Caen. Ouais. Bah, c'est celui que t'as monté, de toute façon. C'est celui que t'as lancé. C'est toi qui as implanté. Bah, c'est moi. Alors, j'aime pas trop qu'on me donne du mérite comme ça. Bah, c'est vrai que j'ai géré la boutique quelques mois parce que bon, ils avaient personne. Moi, je suis passé par là. Je venais juste chercher des piles à la base. Je venais chercher des piles pour ma lampe torche. Du poisson pané. Et puis. Chercher des piles pour ma lampe torche. Les mecs ont dit on a personne pour gérer le magasin. Chris, ça serait sympa. Je dis bouge pas. Allez, je m'en occupe. Donc, en même temps, ça tombe bien parce que c'est ton cabinet. J'ai planté la tournée Starmania parce que bon, j'avais pas le temps. Et puis du coup, je me suis occupé du Cora, mais bon, je suis pas resté longtemps. Oui, mais l'avantage que t'avais pour le Cora, là, en l'occurrence, alors je vais peut-être trahir un secret politique, mais c'est ton cabinet d'architecture qui avait réalisé les plans et donc la structure du bâtiment. Tout à fait. Ah, mais oui. Ça, quand je suis venu acheter des piles, il le savait pas encore. Ah, voilà, ok. C'était vraiment le hasard, tu vois. C'est, voilà. C'est fou, le monde. Les hasards de la vie. Petit, quoi. Ouais, les c'est hasards vrai, de la c'est vie. Ça, bah, ouais. C'est fou, quoi. Et si j'avais pas utilisé ma lampe torche toute la nuit la veille, j'aurais pas été acheter des piles, tu vois. Ça tient à rien. Ah, mais il y aurait pas eu les mecs du cinéma, par contre. Alors, effectivement. C'est mais vrai. Alors, depuis que les cinémas sont fermés, j'use moins de piles. C'est l'avantage. Comme quoi, il faut voir le positif. Ouais. La vie est vraiment mais alors, comme une boîte de chocolat. Formidable. C'est vrai que là, ça n'arrive plus. Avant, t'allais au cinéma, tu venais, il y avait quelqu'un à ta place. Bon, ça faisait tout un scandale. T'appelais les mecs du cinéma, ils arrivaient avec leur lampe torche, c'était la merde. Aujourd'hui, t'arrives au cinéma, il n'y a personne devant, il n'y a personne dedans, il n'y a personne à ta place. Bon, c'est plutôt plus simple à gérer quand même. Il n'y a personne à l'écran non plus, tu vois. C'est vrai, ça aide, voilà, quoi. Ça aide à gérer ses relations sociales. Quoi. Et puisque les projecteurs sont automatiques. Il faudrait voir si ça se trouve, les cinémas diffusent quand même les films. Eh oui, c'est pas impossible. S'ils sont malins, ils éteignent tout, mais bon, après... Mais est-ce que les aides du CNC sont pas versées à la diffusion? Donc les mecs, ils balancent des films toute la nuit comme ça, et ils prennent des centimes de CNC. Et qu'est-ce que va devenir tout ce popcorn? Tout ce bon popcorn à 20 euros la barquette, là, qui le va être tout rassis quand on va revenir le manger? Le bon ou le pas bon? Le sucré ou le salé? Ah merde, alors attention, c'est une question de piège. Non, moi j'aime que le sucré. Allez, casse-toi, ça m'étonne pas que tu joues au sucré. Tu fais partie de ces 10% de gens qui prennent du popcorn salé. Okay. Évidemment. Okay. Évidemment. Alors j'étais assez team popcorn sucré avant, reniant le salé, mais effectivement, je commence légèrement à basculer de l'autre côté de la barrière, tu vois. Le salé, c'est pas si dégueu que ça. Parce que popcorn tu es un homme de goût. Un bon popcorn baf, là, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire que ça dépend de l'heure. C'est-à-dire, par exemple, si j'y vais le matin, je vais prendre du sucré. Putain, si j'y vais le soir, je pourrais prendre du salé. Mais foutez-lui de l'ananas dans ses popcorns à lui qu'il arrête de me casser. Oui, putain. Eh, le popcorn à ananas, putain, ça. Et la pizza au popcorn. Qui veut faire ça? D'ailleurs, nous sommes lancés un défi, le Pizza Game. On l'a pas fait pour cet épisode-là. C'est pour notre prochain rendez-vous, le Pizza Game. Chaud. Donc, je vous le rappelle, le Pizza Game, chaque membre de l'Estaminaire va se voir attribuer à un autre membre pour qui il va commander une pizza. Donc, par exemple, je fais livrer une pizza chez Valentin avec les ingrédients de mon choix. Une pizza qu'il doit manger partiellement, pas en intégralité. Et on débrief pendant le prochain épisode de l'Estaminaire. Je me filmerai, je pense. Ça va faire nos plus beaux lives sur Twitch. Ouais, c'est ça. Non, mais grave, on fait ça, je suis chaud. Pour le prochain, moi, je suis partant. J'ai des tickets resto à écouler en plus. Puisqu'on est dans les séries et les trucs un peu récurrents, les choses dont on a besoin d'avoir des nouvelles et d'avoir de. Comment va Madame Éluin ? Eh bien, je n'ai pas une nouvelle. C'est pas possible. Pas une nouvelle. Je pensais. L'autre jour, j'ai eu un message sur mon. J'ai eu un appel sur mon fixe, mais non, c'était pas du tout ça. C'était pas Madame Éluin. T'étais déçu un peu, non ? Bah, un petit peu, parce que bah, je sais pas si elle a récupéré l'eau froide, déjà. Bon, on sait qu'elle n'avait que de l'eau chaude. Bon, c'est l'hiver, ça tant mieux. Mais les voisins ont arrêté d'appeler ou pas ? Comment ? Les voisins ont arrêté d'appeler ? Je crois qu'il y avait d'autres gens qui t'appelaient alors, aussi. Alors voilà, et là depuis une semaine, aucune nouvelle. Donc visiblement, alors il y a deux solutions. Soit tout est réparé, soit c'était tellement pourri que l'immeuble s'est effondré. Et dans ce cas-là, pas de problème. Il a été détruit par un kaiju. Donc c'est possible, peut-être. Bah, en bord de mer, tu sais, la Normandie c'est la mer, les kaiju, hein, c'est possible. Hein. Je sais pas si on en a parlé dans l'émission, mais ton voisin d'en face qui était mort, il est mort finalement ou pas ? Alors finalement non. Finalement, non. Je sais plus, oui, si on a détaillé dans l'émission cette histoire de voisins. Je suis pas sûr. En plus, elle est passionnante. Enfin, surtout quand on la vivait en direct. C'est-à-dire que moi, il y avait un gros suspense où pendant toute une journée, je ne savais pas si ton voisin était mort ou pas. Et pour le coup, moi, je m'en inquiétais vraiment. Alors, ça n'a pas duré toute une journée, ça a duré toute une semaine. Mon voisin d'en face est parti. Enfin, il s'est avéré un dimanche, très exactement. Les fenêtres étaient ouvertes. Et pendant toute une semaine, les fenêtres d'en haut chez lui sont restées grandes ouvertes. Il y avait de la lumière aussi. Enfin. Alors oui, alors avant ça, pendant une semaine, il y a eu de la lumière tout le temps. Même la nuit, ouais. Voilà, matin, midi et soir, nuit, il y avait de la lumière en bas. Mais les fenêtres étaient fermées. Et la semaine suivante, il y avait plus de lumière, mais les fenêtres étaient ouvertes. Et donc il y a un moment, en fait, mais il m'a fallu un certain temps pour avoir arrivé quand même à une déduction de me dire, il a dû se passer parce que bon, en fait, je suis pas du genre à espionner mes voisins, je m'en bats un peu les couilles. Donc le temps que tout ça me monte au cerveau, je me suis dit putain en fait ça se trouve la lumière allumée, bah il était mort le pauvre et du coup bah les fenêtres ouvertes bah c'est un peu morbide mais c'est la logique qui m'est venue parce qu'il faut relouer la maison derrière quand même. Bah ouais. Bah non mais je me suis dit enfin d'où tu laisses ouvertes tes fenêtres une semaine entière, 24-24, c'est-à-dire de nuit comme de jour comme de nuit, c'est ouvert quoi. Sauf si ton corps a fusionné avec le sol et qui pourrit lentement sur ton parquet. C'est malheureusement un scénario plausible, et en fait pas du tout, il est revenu. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas trop. Il a peut-être tué quelqu'un du coup. Alors peut-être. Donc du coup je n'ai pas osé aller demander. Je me suis dit je vais rien demander. Je vais faire comme si j'avais rien vu parce que c'était chelou. Voilà. C'était allumé pendant une semaine parce qu'il était en train de débiter une victime. Et effectivement ça prend un peu de temps. Puis après il a aéré. Et il faisait un compartiment secret sous sa maison en fait pour planquer le corps. On a retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Mais oui. Oh mon Dieu. Et Carlos Ghosn qui était là, qui habite là dans une malle depuis maintenant 6 mois. Donc il va mieux. Bah on est rassuré quand même. Bah il va bien hein, visiblement. En tout cas il est vivant. Déjà il est pas mort. Bon c'est déjà mieux que de. Enfin voilà. Faudrait lui présenter Madame Eloin. Ça se trouve on peut faire naître une belle histoire d'amour. Écoute je te laisserai jouer les entremetteurs. Si je peux toucher mes 10%, tu sais c'est plutôt un rôle qui me convient. L'avantage c'est qu'elle pourra directement aller sonner chez Chris pour ses problèmes de plomberie ou d'ascenseur. Ce serait formidable, on s'est tout dit. Ah, je crois que pour ce soir nous sommes tout dit. J'attends ma pizza du coup. Ah, je me dis qu'on a toujours pas parlé de l'anecdote du péage de Ganda. C'est dommage, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera encore pour la prochaine fois, ouais. C'est vraiment l'anecdote la plus teasée de cette émission quoi. C'est ça, l'arlésienne. 15 numéros qu'on tease l'anecdote. Quand vous allez l'entendre, ça va faire ouin, ouin, ouin, ouin. Ça se trouve, elle est nulle en plus. Ça se trouve, elle est nulle. Mais par contre, il y avait juste un truc. Tout à l'heure, on a parlé de Jennifer Connelly et de la déchéance de sa transformation physique avec les années. Quand on en avait parlé. Tu veux parler de la mienne rapidement? Absolument pas. Je respecte les taverniers, d'autant qu'ils me fournissent à boire, donc je préfère rester en bon terme. On parlait des sex symboles des années 90, et le nom et la personne de Cameron Diaz étaient arrivés sur le tapis assez rapidement. Vous vous souvenez? Voilà, ouais. Valentin s'en souvient. Visiblement, Valentin est très inspiré par ce sujet. Valentin, t'as des mouchoirs dans le tiroir du haut. Oui. Non, mais en plus, le pire, c'est que ça n'a jamais été un fantasme, Cameron Diaz. C'est juste que. Non, elle a l'air très gentille, cette demoiselle. Alors, moi, personnellement, je tiens à dire que je ne parle pas spécialement de fantasme. Je parlais vraiment d'actrice, de comédienne qui incarnait les années 90 et qui était un petit peu, effectivement, le visage, tu vois, pour moi, ouais, Cameron Diaz, ouais, ça, c'était vraiment genre Cameron Diaz dans The Mask, par exemple. C'est ça, ouais, pour moi, c'est l'actrice des années 90, tu vois, c'est avec tout le background un peu coloré, un peu tout ça, enfin, il y a toute cette imagerie aussi qui va avec, et ouais, pour moi, ça fait partie des figures du cinéma des années 90, alors c'est pas la seule, hein, mais. Et du coup, c'est quel film pour vous, Cameron Diaz? De quoi? C'est quel film pour vous, Cameron Diaz? Moi, c'est The Mask. C'est son premier film d'ailleurs, mais c'est là que je l'ai découvert parce que j'étais gamin et que j'ai découvert à la fois Cameron Diaz et Jim Carrey en même temps, donc avec ce film là. Sinon, le deuxième qui me vient en tête, c'est parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps, c'est Night and Day avec Tom Cruise, mais c'était pas bien. Voilà. Si, elle a joué dans Marie à tout prix avec des frères Farrelly avec Ben Stiller, et c'est drôle ça aussi. C'est drôle ça. Mais au final, je connais pas beaucoup de films avec Cameron Diaz, en fin de compte. Je connais pas trop cette actrice. Mais Yanda la connaît un peu plus, je crois. Alors, pas personnellement, déjà. C'est, voilà. C'est bien dommage. Mais. Visiblement, il y a Madame Yanda qui écoute cette émission. Mais en fait, elle est. C'est hyper intéressant parce qu'elle a une. Alors, je sais pas si on pourrait dire philosophie de vie, mais elle est aujourd'hui. Elle a écrit des bouquins et elle milite beaucoup pour le. Comment dire? Par rapport au vieillissement. Et au fait que les femmes notamment acceptent de vieillir sans que ça soit négatif et quelque chose qu'elles aient à se reprocher. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle est hyper justement saine entre guillemets par rapport à tous les grands courants et les grandes modes. Je pense notamment au Botox, à ces trucs-là, etc., etc. Et aux cheveux blancs, s'il y avait tout, tout un truc et comme quoi les femmes n'ont pas le droit entre guillemets d'avoir de cheveux blancs quand elles vieillissent, contrairement aux mecs. Alors que c'est très joli. Gardez vos cheveux blancs. Voilà, c'était mon message capillaire du jour. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve ça très beau. Non, mais les cheveux blancs, ou que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'ailleurs, je trouve ça très beau. Voilà. Je suis assez d'accord. Et en fait elle a sorti des bouquins, mais en plus elle a sorti des bouquins genre elle a écrit ses conseils en tant que yogi pour donner des astuces, tutos. Elle a fait ça, elle a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'elle est Est-ce qu'elle faisait comme Yogi Kudu dans C'est mon choix qui a entré dans des boîtes en plastique de 40 par 40. Alors peut-être. Ça m'a toujours fasciné, ça, Yogi Kudu. Je ne sais pas. Ah, mais... Putain, j'ai la ref, ça me terrifie, j'ai la ref. Comment tu l'écris, que je le googlise Yogi Kudu, K-O-U-D-O-U. Sinon tu mets Yogi, c'est mon choix, je pense que tu devrais trouver. Ouais, je pense que tu vas le retrouver. C'était un monsieur très grand et rentré dans des boîtes minuscules. C'est très français, hein. C'est Yogi Kudu, C-O-U-D-O-U-X. Ça fait vraiment, ça fait Robert Ménard, quoi. Yogi Kudu. Yogi Dupont. Pardon Yanda, je vous interromps, on parle des choses intéressantes comme Cameron Diaz et on parle d'un mec qui rentre dans des boîtes. Non, non, mais il y a pas de souci. Mais c'est intéressant parce qu'elle a fait, vraiment les choses bien, c'est-à-dire que dans ses bouquins, elle s'appuie sur des choses médicales avérées, scientifiques, et vraiment sa démarche, c'est d'aider en fait les femmes principalement, mais à se préparer au vieillissement et à bien le vivre et à faire passer le message que en gros c'est pas une mauvaise chose. Et dans son bouquin d'ailleurs, la couverture de son premier bouquin, c'est une photo d'elle en portrait où elle est pas maquillée, et donc elle a 40 et quelques années aujourd'hui, donc elle est plus toute jeune, c'est plus effectivement 48 ans de The Mask, mais voilà, elle est hyper épanouie, elle fait plein de lives et plein d'interventions où voilà elle explique que alors je vais reprendre quelques informations qu'on m'a fait passer, mais elle reproche un petit peu justement tous ces diktats de mode et d'apparence imposés notamment par la société américaine et le Botox, etc. Elle incite, elle, vraiment à ce que les femmes assument leur physique avec l'âge qu'elles ont et en étant naturelles et en l'acceptant, quoi. Et c'est hyper intéressant comme démarche, et c'est vraiment à contre-courant de beaucoup, beaucoup de grandes stars ou de grandes personnalités américaines. Et je trouvais ça cool comme démarche. Après, c'est... Allez, je fais mon connard, à peu près. Allez. Après, quand de base, à 21 ans, tu ressembles à Cameron Diaz, c'est quand même un peu plus facile que quand de base, à 21 ans, tu ressembles à Jennifer Connelly. Ouais, mais après... Je ne suis pas content. Non, mais c'est pour lier avec le début de l'émission, évidemment. Oui, non, sinon, sinon j'aurais dit Céline Dion, vous le savez. Mais après, tu vois, elle a fait de la chirurgie esthétique, elle a fait du Botox. Et Ah bah voilà, parce que j'allais dire, dis donc, moi je prends le contre-pied du truc, on dirait qu'elle est botoxée, comme quoi le botox maintenant on fait des choses bien, mais donc en fait elle a vraiment été botoxée. Elle en a fait un petit peu, mais et elle l'explique dans ses bouquins, elle en est revenue parce qu'en fait elle s'est rendue compte que c'était pas ce qu'elle cherchait. Parce que le botox, comme elle l'explique, en fait c'est une surcouche, ça n'empêche pas le vieillissement des cellules, etc., etc., et donc en fait c'est vraiment fake et ça n'aide pas à accepter, psychologiquement parlant, le fait que tu vieillis, etc. Donc elle a fait la chirurgie esthétique du botox, elle en est revenue, elle a eu cette démarche. Et je trouve que c'est intéressant de partager cette expérience-là et de le prôner comme elle le fait, au-delà de des valeurs et tout qu'elle prône, du naturel que je trouve cool. C'est sensé, c'est cohérent et c'est intéressant, je trouve. Voilà. En tout cas, ça m'aura permis de découvrir qu'elle fait la voix de la princesse Fiona dans Shrek. Voilà. Oui, absolument. Je ne savais pas. Et la voix française de Fiona dans Shrek, c'est la voix française de Cameron Diaz. Je n'aurai pas son nom, je ne vais pas le retrouver ce soir. Si, il faut que je fasse un effort parce que j'ai cité des doubleurs mecs, il faudrait que je retrouve son nom. Mais en attendant, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Time Out, qui est pas ouf, mais c'est un film d'Andrew Niccol qui date de 2011, et où en fait l'humanité ne vieillit, enfin vieillit mentalement, mais ne vieillit plus physiquement. C'est-à-dire en qu'à fait, 25 ans, le temps est devenu un capital financier avec lequel avec Justin Timberlake, absolument. C'est Justin Timberlake, ouais. Mm-hmm. Et bah moi j'ai trouvé, alors le film en lui-même n'est pas effectivement un chef-d'œuvre, mais par contre le concept est très très sympa et ça marche bien, je trouve. Enfin, le film marche bien, voilà. Barbara Tissier pour la voix. Ah voilà, merci, merci. Ah ben qui fait une voix dans A Plague Tale d'ailleurs. Tout se recoupe, c'est incroyable. Putain, c'est extraordinaire. C'est on est vraiment d'une vraiment des professionnels. Hein. Vraiment. Il y a là, Cameron Diaz dans le jeu, ça veut dire que je vais faire les collectibles, quoi. C'est incroyable. Je trouve qu'il y avait un côté. Moi, j'ai jamais été plus passionné que ça par Cameron Diaz. Pour tout dire, quand vous avez dit ouais, ce serait bien qu'on parle d'elle. Bah j'ai dit non. Voilà. Et... C'est pour ça que j'ai remis le sujet sur la table de façon éhontée. Mais là, mais t'as bien. En plus, je l'avais pas noté du tout dans le truc, donc c'était pas une histoire de vous blacklister, c'est que je l'avais pas noté. Du coup, j'étais vraiment passé à autre chose. Quand même, hein, on voit après, bien. Un... chez non, qui mais on est, a compris. Non, mais on réglera ça dans quelques. Mm-hmm. On coupera les micros. Et de quoi on parlait? De Cameron Diaz. Et oui, évidemment. Parce qu'en fait, il y a un côté. Je Marie à tout prix, c'est pas ma cam et tout. Enfin, je l'ai vu après dans The Mask, dans Charlie's Angels, dans des trucs comme ça. Il y a toujours. J'ai toujours eu à l'esprit qu'elle avait un côté genre je suis jolie et je suis un peu dans le film aussi parce que je suis une grande actrice, mais aussi parce que je suis un peu jolie. Et il y avait un côté un peu je suis jolie mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Où elle était capable de prendre du recul et de jouer avec cette image-là et de pas être en mode en représentation parmi tous les talents qu'elle a. Elle a sa petite tête, voilà. Et ça fait partie d'un truc, et c'est pas le seul truc sur lequel elle peut capitaliser. Elle a aussi de la répartie, de l'humour et ouais, et elle a joué dans des films à contre-emploi, si on parle vraiment de ces films des films de comédie, et si on la classe plutôt là-dedans. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, parce qu'elle a fait plein d'autres choses, notamment dans des films un peu plus angoissants, pas des films d'horreur, mais vraiment des films un peu plus angoissants et psychologiques, comme The Box, par exemple, de Richard Kelly, où en gros, l'idée, c'est on t'amène une boîte, t'as un gros bouton dessus, si t'appuies dessus, tu gagnes $1 million, mais tu tues quelqu'un que tu connais pas. Voilà, ça, c'est le pitch de base du film. Et c'est... Bah, moi, j'appuie deux fois. Rien ouais. J'appuie non, deux, voilà, trois fois. Quoi. Du coup, il y a toute la réflexion sur bah, est-ce que tu connais vraiment tes voisins, qu'est-ce que c'est de connaître une personne et tout, et ça va de plus en plus loin, et au final ça part dans un trip vraiment presque psychédélique, je trouve. Enfin, c'est vraiment chelou et hyper angoissant sur la fin. En tout cas, il y a un élément dans le film qui m'a foutu le cafard de ouf, et donc t'as vu Chris avec la boîte, elle joue trop trop bien dedans. Elle joue dans un autre film de Richard Kelly qui s'appelle bien sûr je ne sais plus, mais ah oui, je l'ai vu celui-là, il est bien. Voilà, absolument. Ah non, c'est pas elle dans South Mountain. Il est super, mais la fin m'a un peu déçu, moi. Bref. Non, mais oui, comme dit Matt, elle capitalise pas sur son physique du tout. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et bah, la meuf est pas conne, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, bah, c'est bien. Pardon, bien content, je me suis rendu compte en disant. Salut. Bah, c'est bien, bravo, ok, super. Eh bah, tant mieux pour elle, hein, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Eh bah, et les gens, quand on leur a dit au bout d'1h50 qu'il y avait plus rien. Et que là, on vient de faire un quart d'heure sur Cameron Diaz, ils se sont dit, eh ben, je regrette pas d'être resté. Ah, t'as vu? Franchement, ça valait le coup. Pour entendre Valentin citer des films qu'on connaît pas. Et c'était mal. Pour nous dire que Cameron Diaz, elle a fait du Botox, mais maintenant, bon, c'est fini. Eh ben, moi, je dis, mec, vous avez bien fait de rester. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Évidemment, les 5 étoiles. Évidemment, les commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Évidemment, on vous retrouve pour notre pizza game dans le prochain épisode, c'est promis. Le prochain épisode qui sera donc le 19. Et dans le 20e épisode, on fera un épisode avec plein de copains à nous pour parler de plein de trucs avec plein de copains que vous allez découvrir. Il nous reste des copains. Redécouvrir. Ou bah, ils sont copains avec nous jusqu'à ce qu'ils apparaissent dans l'épisode, en fait. Ah, oui. Et puis, on va se fâcher avec toute une galerie de gens qu'on n'a pas invités dans ce fameux épisode avec des copains. Donc, voilà. Est-ce que c'est parce pas, qu'on peut... c'est pas l'arche de Noé ici hein. Est-ce que c'est parce qu'on peut pas prendre tout le monde ou est-ce que voilà c'est parce que on a dû faire un choix hein, qui est évidemment basé sur la qualité des intervenants et sur l'amour qu'on porte à ces gens. Vous allez découvrir qu'en fait nous n'étions pas vos amis. Bref, dans le prochain épisode on mange de la pizza et dans l'épisode suivant on se fâche avec le YouTube game. Voilà. Activez la cloche, les notifications, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles, les commentaires, tout ça. Et puis rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour suivre la suite des aventures de notre estaminerde. Alors oui, mais surtout et bien sûr que ça va au-dessus de tout. Lavez-vous les dents, parce que les mains c'est bien, mais les dents franchement les gars c'est pas du luxe quoi. Lavez-vous les dents, putain c'est quoi cette haleine de phoque le matin à 6h dans les transports. Lavez-vous les dents. Ah c'est twist.